Donc ce cours porte sur les outils de publication web. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aider. Si vous voulez, ce cours il est destiné prioritairement pas à des métiers, mais à des gens qui jouent des rôles de responsables ou de porteurs de projets d'édition ou de publication web. Et quand on a un projet de publication web, il arrive toujours un moment qui est le moment délicat du choix de l'outil de publication. Et alors je ne sais pas si vous en avez eu l'expérience, mais c'est un moment qui est toujours un peu traumatisant parce que on a l'impression de jouer un peu à la roulette russe en se disant alors je choisis celui-là ou celui-là ou celui-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Et on sait, pour l'avoir vu autour de nous éventuellement, qu'il y a des projets qui partent dans le mur complètement et qui plantent radicalement parce que le choix de l'outil a été mauvais au départ. Et donc il y a un facteur de stress qui est important. Alors le problème, il est important aussi parce que les outils sont pléthoriques. Hein. Si vous vous intéressez aux outils de publication sur le web, il y en a. Donc un site auquel je fais référence qui s'appelle CMS Matrix en recense 250. Et en fait, c'est une toute petite partie de l'ensemble des outils de publication web qui existent sur le marché. Logiciel libre, logiciel propriétaire, logiciel pour les entreprises, logiciel pour les associations, logiciel pour, tout confondu. Et opaque. Voilà. Donc c'est un marché qui est pléthorique et un certain nombre d'études économiques ont montré que c'était un marché qui était peu structuré, voire pas structuré du tout. C'est-à-dire que vous avez des fournisseurs, donc des éditeurs de logiciels qui se cassent la figure du jour au lendemain, qui sont rachetés par d'autres, des produits qui disparaissent du jour au lendemain. Et depuis l'existence de ce marché, hein, vers le milieu des années 90, je reviendrai sur l'histoire un peu de ce marché un peu plus tard, ce marché il est tumultueux, il a une histoire tumultueuse. Donc c'est encore un problème. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est... d'aider des porteurs de projets d'édition électronique ou de publication web à franchir ce pas, à gérer ce moment et essayer de vous donner donc, si vous en êtes d'accord, plutôt que des éléments de contenu et plutôt que d'essayer de vous parler in extenso et dans le détail de Drupal ou de Spip ou de Lodel ou de Joomla ou de MediaWiki, etc., ce qui ne servirait à rien. On va essayer de parler méthodologie avec vous, tout simplement. C'est-à-dire, quelles sont les questions qu'il faut se poser, par quelle étape est-ce qu'il faut passer, quels sont les éléments de méthodologie sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour choisir tel ou tel logiciel. Et ça permettra aussi de faire avancer les discussions, parce que les discussions sur les choix de logiciels, bien souvent, ressemblent à ça. Et peut-être que l'idée, c'est de dépasser le village gaulois les affrontements, le dissensus permanent. Alors le dissensus, il est utile, il est nécessaire, mais il doit être transformé depuis la bagarre qui n'aboutit à rien en un dialogue constructif, en fait, qui permette à chacun de choisir l'outil. Alors, j'allais dire qu'il permette de choisir le bon outil. Et la première chose que je veux dire, c'est que le bon outil n'existe pas. Parce que l'idée, c'est de permettre à chacun de choisir l'outil qui soit bon pour son projet, pour son environnement, pour soi, pour les personnes avec qui il travaille, et c'est ça qui est difficile. Choisir le bon outil, c'est pas très difficile. Choisir le bon outil pour la circonstance, pour le projet sur lequel on est en train de travailler, et donc qu'il soit en adéquation à son projet, à son environnement et aux personnes avec qui on travaille, c'est ça qui est essentiel. En essayant d'éviter les deux écueils de la passion aveugle d'un côté. Alors par exemple, vous connaissez bien un logiciel et vous l'aimez bien pour une raison X ou Y, parce qu'il vous plaît en termes de fonctionnalité, etc. Et donc vous allez le choisir sans aller voir à côté. Ça c'est la passion aveugle qui fait que vous choisissez tel outil sans même regarder ce qu'il y a autour. Ça c'est un écueil qu'on comprend très bien, facilement. Et moi il me semble qu'il y a un écueil inverse qui consiste à ne rien, sinon connaître, du moins ne rien préférer en particulier, et choisir un outil en appliquant une méthodologie mécanique, cette fois-ci pour le coup, sur des cahiers des charges prédéfinis, avec si vous voulez, des checklists de choses à vérifier, sans qu'il y ait d'implication particulière de la personne qui fait ce choix, ni même des personnes qui travaillent en équipe pour faire ce choix. Et la validation du choix du logiciel sur des cahiers des charges, ce que j'appelle des cahiers des charges désincarnés, me semble-t-il, peut aboutir à des catastrophes aussi grandes que le choix de logiciel par passion aveugle. Et moi j'en ai vu, hein, j'ai vu des choix de logiciel très importants, très chers, qui mobilisaient énormément d'énergie, se faire, si vous voulez, sur des méthodologies, sur des bases de choix, de méthodologies de choix et de cahiers des charges et de grilles de vérification, sans qu'il y ait eu ne serait-ce qu'un dialogue entre celui qui fait ce choix, par exemple, et les gens qui l'utilisent, par exemple, effectivement, sans qu'il y ait eu de véritable expérimentation, sans qu'il y ait eu ce facteur humain, si vous voulez, qui fait qu'on passe au test un logiciel. L'exemple que j'ai en tête a abouti à une catastrophe, c'est-à-dire l'achat d'un logiciel coûtant je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines de milliers d'euros qui n'a jamais été réellement utilisé. Et pourtant, la personne qui a mené l'étude avait tout bon sur le papier. Donc c'est ça qui est difficile quand on choisit un logiciel et c'est ça qu'on va essayer. On va essayer de vous apporter des éléments pour vous aider. Alors, quelques points de complément de circus qu'on va faire Laurel et Hardy. Ouais. D'abord, en fait, cette approche, ce cours est impossible à faire et j'ai essayé de le faire l'année dernière pour un cours sur qu'est-ce que l'édition électronique et j'ai fait durer le cours jusqu'à ce que j'ai plus le temps de parler de cette dernière partie parce que j'y arrivais pas, j'ai juste commencé à ébaucher une grille et je me rends compte que plus on ébauche la grille, plus elle s'effondre sur elle-même, elle s'effrite parce que plus on en construit la grille, plus elle se complexifie et plus on atteint le cahier des charges désincarné. Et si tous les critères que l'on met en place sont résolus, alors ça ne peut être qu'avec une machine proche de... qui aurait été inventée dans un univers kafkaïen. Mmh. Hein, j'appelle ça souvent des frameworks. Enfin, une machine qui fait tout, et qui est la solution qui est très sécurisante pour les pilotes de projet. Mais qui en fait ne fera rien ou à peu près rien. Il faut voir des macrostructures se monter autour d'un assemblage logiciel tout à fait étonnant qui donne par exemple oui on a une association par exemple D-Space Lodel que j'ai vu où en fait il faut 4 clics pour atteindre un article qu'on vous propose de télécharger ensuite à la fin. Il faut 4 clics, vous avez le nom de la revue, vous rentrez dedans, vous dites oui, il faut résoudre le nom parce que oui, ça correspond à tout. Ça utilise un des meilleurs logiciels existants, D-Space, bon, très bien. Mais en fait, c'est une usine à gaz. Je ne sais pas qui la comprend, en tout cas pas les utilisateurs. Alors, autre point, il y a aussi des effets de mode. Il y a un éditeur qui a décidé de rentrer in the move et de dire, moi, je fais mon catalogue en ligne avec Wiki, en mode Wiki. Alors, c'est très bien, ça a un très bel effet d'annonce. Le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas fait pour faire ça. Et que c'est fait pour être contributif, et donc vous dites ah je vais pouvoir faire des annotations, et en fait non c'est pas prévu, et donc en fait la personne qui peut écrire dessus c'est simplement la société de prestation de services qui alimente le wiki, et donc en fait de temps en temps ils doivent faire une migration de données parce qu'évidemment le wiki c'est fait pour être alimenté à la main et c'est pas possible pour un catalogue, donc en fait on en est là, et du coup ça sert à rien de faire un wiki, c'est à la mode mais c'est pas l'objectif. Donc il y a des bons outils pour des usages et des mauvais outils pour des usages différents. Un autre point sur l'introduction, c'est qu'il faut savoir d'où nous parlons, Pierre et moi, parce que sinon en fait on ne peut pas comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, parce qu'en fait le village gaulois c'est déjà nous. Alors c'est important, donc Pierre peut-être que tu peux introduire tous tes biais de lecture qui sont liés à ton histoire. Et après, j'introduis mes lectures. D'accord. Okay. Ouais. Donc, d'ailleurs, on fait ça très rapidement. Oui, très rapidement, mais on ne peut pas se départir de ça. Ouais. Et après, on ne fera pas de publicité. En fait, pour voir que les deux profils sont assez différents, en fait, malgré tout, moi, mon histoire professionnelle, si vous voulez, dans l'édition électronique, a été de ne jamais développer moi-même un logiciel ou ne jamais faire développer autour de moi un logiciel, mais toujours de choisir, en fait, tel ou tel logiciel. Donc, en fait, j'ai animé une cellule d'édition électronique à l'ENS Lettres et Sciences Humaines à Lyon pendant 4 ou 5 ans, avant d'être recruté à Revue.org. Dans cette cellule d'édition électronique, nous faisions un peu de tout. On fait des sites web, des sites de colloques, des revues en ligne, il y a une archive ouverte, des monographies en ligne, etc. Et donc, moi, mon point de vue est un point de vue un peu généraliste où je connais, en fait, un assez grand nombre d'outils pour les avoir utilisés en fait en situation professionnelle, mais des outils que je n'ai jamais développés, que je n'ai jamais fait développer, auxquels je n'ai jamais participé en termes de développement. Par contre, en tant qu'utilisateur, éditeur-utilisateur, ça je les connais assez bien. Et l'angoisse en fait du responsable de projet au moment du choix de l'outil, je l'ai vécu plusieurs fois en fait. Et donc c'est un peu mon profil, et qui est très différent de celui de Marin, justement. Voilà, mon profil c'est plutôt de quelqu'un qui crée une plateforme de revue en 99 et met en place un CMS en 2001-2002, et qui cherche un CMS existant et qui, à l'époque, Suite était à peine émergent, et développe une solution qui est plus adaptée, donc une solution métier interne, qui est diffusée en logiciel libre, mais du coup c'est plus des contraintes de développement et de maintenance de plus en plus industrielles qui sont mon point de vue. Alors là où ça se converge, c'est que quand même on a décidé volontairement, très fortement, de ne pas miser sur une seule solution technologique et encore moins sur une seule solution technologique maison, et que donc on a eu le choix à faire pour hypothèse. On a décidé de ne pas faire avec l'ODEL, et c'était heureux. On a décidé aussi de ne pas mettre des workflows dans l'ODEL, donc on a décidé de mettre un autre outil en amont, et donc j'ai eu à faire le choix d'OJS. Pour la plateforme de manuscrits et pour Calenda, qui va avoir une mission nationale prochainement importante. On a développé un CMS maison très adapté parce qu'on ne trouvait pas d'alternative, mais aujourd'hui il faudra qu'on fasse aujourd'hui un choix. Donc d'une certaine façon, moi je me pose des questions aujourd'hui avec vous autour de ce choix là je dois répondre à un cahier des charges nouveau sur le logiciel qu'on va devoir trouver pour animer Calenda. Donc je suis comme vous en train de me poser des questions. Ce que je propose, c'est je présente un peu le plan de notre cours. Vous l'avez compris, notre souci n'est pas de vous dire quel est le bon logiciel. Notre souci est d'essayer de vous aider à trouver le bon logiciel pour votre projet. Et donc, la première chose qu'on a à faire lorsqu'on a à choisir un logiciel, c'est de ne justement pas s'intéresser au logiciel. Il ne faut pas commencer par le logiciel, il faut commencer à s'intéresser à son projet à soi. Et donc à l'évaluer, à le documenter, à essayer d'expliciter ses différentes dimensions. Donc à essayer de l'expliciter pour soi d'abord, et puis pour les autres aussi, dans ses différentes dimensions documentaires, chronologiques, techniques et sociales. C'est une dimension qu'on oublie systématiquement, il y a une dimension sociale qui est importante. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on vous propose, c'est que, si vous voulez, il y a un point qui est très très important, c'est que le choix d'un logiciel, il se fait toujours à un moment donné. Mais ce choix, il est susceptible, et même c'est même inévitable qu'il soit remis en cause très peu de temps après avoir été fait. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, ce secteur des outils de publication web évolue à une vitesse hallucinante, si vous voulez, en termes de technologie, en termes d'usage, en termes de types documentaires qui sont mis en œuvre, de pratiques, etc., etc. Et donc, quand on fait un choix à un moment donné, il faut toujours, évidemment, se projeter dans l'avenir et aussi voir d'où ça vient, en fait, tout ça, hein, et pourquoi ce type de logiciel existe. Et donc, ce qu'on voudrait, si vous en êtes d'accord, hein, si vous ne l'êtes pas, vous le dites, et on ne fait pas, on raccourcit, mais ça peut être intéressant de comprendre la dynamique du web et la dynamique de ces outils de publication web, depuis le web statique à l'origine, jusqu'au web dans les nuages aujourd'hui, en passant par les CMS et Alors, j'expliquerai ce que c'est, les content management systems et les plateformes centralisées. Et puis enfin, en troisième point, et ça va être la partie la plus importante, on va essayer de voir comment analyser et comparer des outils de publication entre eux en utilisant des outils qui existent déjà ou des guides méthodologiques qui existent déjà. Est-ce que ça vous va ? Je voudrais juste faire une petite remarque. C'est que, on en a discuté avec Marin, je trouve que si vous êtes d'accord avec le contrat, c'est-à-dire vous vous placez dans la peau du porteur de projet, d'accord ? Et on essaie de dialoguer comme ça, ce serait bien qu'on ait un dialogue en fait. Et c'est-à-dire qu'à chacun des points, vous n'hésitiez pas à lever la main pour dire « ben moi je suis dans cette situation où j'ai vécu ça, Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut dialoguer là-dessus? Donc ça me semble important qu'il y ait un dialogue vraiment, vraiment entre nous. Donc n'hésitez pas à faire part de votre expérience à propos de chacun des points, parce que ça va enrichir le cours en fait, énormément. Nous on a notre expérience, mais vous avez votre expérience qui est très très diverse, et ce serait vraiment bien qu'on fonctionne comme ça. D'accord? Ok, alors je fais avancer un peu. Premier point, évaluer son projet dans sa dimension documentaire, c'est d'abord se poser les questions sur le niveau d'hétérogénéité des types de données que l'on a à traiter et que l'on a à publier. Est-ce que ce sont seulement des textes ou aussi des images, des sons, des vidéos, et sous quel format? Il faut se poser des questions en termes de volumétrie totale, de nombre de documents, de poids total de ce qui sera publié en l'évaluant. Et pas seulement la volumétrie totale est importante, mais en fait, ce n'est pas la plus importante. Ce qui est important, c'est la répartition des données en nombre et en taille. Si vous devez publier en ligne une correspondance entre un réseau savant, enfin des lettres, hein, des échanges épistolaires familiales, mettons des lettres familiales qui s'étendent sur un siècle avec plusieurs milliers de lettres, comportant un ou deux paragraphes, c'est pas la même chose que si vous devez publier en ligne je ne sais pas, la Comédie humaine de Balzac par exemple, parce que la répartition des données se fait pas du tout de la même manière. Dans un cas vous avez un nombre très important de petits documents, dans un autre cas vous avez un nombre moins important de plus gros documents, de documents plus lourds, et donc la répartition en fait joue énormément sur la structuration documentaire. C'est la structuration documentaire de votre projet, et ça joue énormément aussi sur les choix qui vont être faits. Et par ailleurs, dernier point, il est nécessaire de définir la structure des données, c'est-à-dire les niveaux qui structurent toutes ces données. Est-ce que ces données sont toutes à plat, ou est-ce qu'elles vont être structurées en plusieurs niveaux? Combien? Est-ce que les niveaux sont prédéfinis, ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter dans le temps? Et les relations entre les données doivent être aussi documentées, parce que nombre total de données, répartition en poids et en nombre, en longueur et en nombre des données, relations entre les données et niveau d'inclusion des données les unes dans les autres, mais vous savez ce que ça donne? Ça donne une base de données en fait. Et souvent, derrière la notion de publication web, il y a une base de données. La structure de la base de données est absolument essentielle. Si le logiciel que vous utilisez est adapté ou pas, c'est-à-dire si le logiciel que vous utilisez a une base de données interne dont la structure n'a rien à voir et ne peut pas bouger et n'a rien à voir avec la structure de vos données à vous, ben vous avez un problème. Donc voilà, c'est une première question. Voilà, parce qu'en fait, on peut avec MediaWiki ou avec WordPress, par exemple, hein, faire à peu près tout. Est-ce qu'on peut mettre de la vidéo? Est-ce qu'on, dans MediaWiki, dans WordPress, la réponse est oui. Donc du coup, si j'ai un projet de vidéo, c'est peut-être adapté. Mais ça dépend ce que je vais en faire, c'est-à-dire si la vidéo doit être encapsulée dans le texte, si je dois passer de vidéo en vidéo, si elle doit être documentée beaucoup ou pas beaucoup. C'est pas simplement d'avoir de la vidéo. Ça, à peu près tous les CMS aujourd'hui le gèrent, mais comment est-ce qu'ils le gèrent? Jusqu'où? Et quel format il a besoin? Quelle est l'expérience utilisateur que j'attends pour le lecteur? Voilà, est-ce que ça va évoluer ou pas? Tout ça est en fait beaucoup plus complexe qu'une liste de formats ou de types de documents. Pierre Abbé m'a bien évoqué un exemple où des textes, c'est deux fois des textes, hein, les exemples qu'il a donnés, mais c'est des textes dont la granularité, l'économie de lecture, l'économie de structuration est très différente. Et donc il faut avoir un minimum de recul sur ce qu'on appelle l'économie documentaire, ce qu'on peut appeler l'économie documentaire de notre projet. Ça va, si vous voulez ajouter des éléments, n'hésitez pas. Pour le moment, ouais. C'est juste de mon expérience, c'est très difficile les gens disent au début, oui, je vais avoir par exemple plein de documents en ligne, donc en texte intégral, etc. Et puis deux ans après, on n'en a toujours que deux. Bah. Alors souvent, non, je ne veux pas mettre de photos, je ne veux pas mettre de vidéos, non. Et puis on se retrouve avec une galerie de 500 photos. Mais je t'avais dit, pourtant. Et c'est vrai que c'est très difficile sur les nouveaux projets, sur les projets à distance, en général, ils savent déjà ce que. Sur les nouveaux projets du site web ou autre, c'est très. Très souvent, moi, je réajuste, et c'est difficile de réajuster l'outil. je réajuste 6 mois ou 1 an après. Alors, moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, je pense que ce n'est pas un cas général. C'est-à-dire qu'il y a des projets, même dans les nouveaux projets, où ça dépend aussi, me semble-t-il, de la manière dont le commanditaire, parce que c'est de ça dont vous parlez, le commanditaire fonctionne. Vous avez des commanditaires qui ont des fonctionnements qui sont très, très définis dès le départ, et vous pouvez savoir que, il y a très peu de chances que la commande change en cours de route, effectivement. Et ça, c'est la dimension à la fois chronologique dont on a parlé tout à l'heure, et la dimension sociale aussi qui est importante. Et puis, il y a des environnements où le commanditaire, effectivement, il part sur une demande qui semble relativement bien définie, et puis il découvre des choses en cours de route, et là, les choses évoluent. Et donc, effectivement, là, l'outil, le choix de l'outil va être différent. Et voilà, c'était juste pour donc, quand on dit évaluer son projet, en fait, ça veut dire poser mille et une questions à la personne qui le porte, en fait. Et beaucoup de questions, et lui dire attention, ce que vous me répondez là a une incidence extrêmement lourde. Il vaut mieux qu'on prenne 15 jours ou un mois pour y réfléchir. Je vous montre des exemples et on en reparle plutôt que d'aller trop vite en amont. Là, de ce point de vue-là, c'est pas qu'il y ait des charges aveugles, c'est vraiment qu'il y ait des charges humaines. Donc, voilà, donc justement, ça enchaîne sur cette fameuse dimension sociale. C'est une partie de la réponse. Où effectivement il faut se demander quelle est la taille de l'équipe, quels sont les rôles qui sont a priori définis, et quels sont les profils, par quelle formation sont passées les personnes qui vont avoir un rôle dans l'équipe projet, et quelles sont leurs capacités, a priori leurs capacités d'évolution. C'est des choses qu'il faut absolument essayer de déterminer. Donc parce que ça va jouer un rôle, ça va avoir un impact assez important sur la manière dont l'équipe projet va pouvoir s'approprier un logiciel. Moi, il me semble que dans beaucoup de cas, c'est quelque chose qu'on oublie systématiquement en choisissant des logiciels sur fonctionnalités, critères techniques, financiers, économiques, tout ce que vous voulez. Et puis on oublie simplement qu'il y a des gens qui vont l'utiliser. Hein. Il y a une équipe projet qui va devoir l'utiliser. Et on n'a pas du tout établi le profil des personnes qui vont l'utiliser. Et donc, on ne se demande même pas si ça va être possible, tout simplement. Alors, pour prolonger ça, il faut quand même... parfois, on fait le profil, mais on ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il ne me semble pas possible de dire, le jour où on inaugure le site web, on donne les clés au porteur du projet pour dire, ben voilà, maintenant, la voiture est à toi, tu peux rouler. Ça veut dire, ça produit des sites morts, il y en a eu énormément. La seule façon de faire, c'est de travailler sur prototype, en amont, très en amont, même avant, par exemple, si on dit on va adopter DSpace, si vous ne faites pas, avant le choix d'adopter, on réfléchit à adopter DSpace, il faut prendre vos utilisateurs, ceux qui vont augmenter la base de données, sur un espace DSpace de démo et les faire travailler pour de vrai sur leur vrai projet en simulation. Dans un atelier, ça prend 2 jours, vous allez ça faire un peu un temps énorme. Mais le premier soir, les gens vont vous dire un tout peu plus simple. Voilà. Donc ça, c'est important. Et sur un certain nombre de logiciels, il y a des démos en ligne. Quand vous l'adoptez, il faut l'essayer. Il ne faut pas le cliquer sur 2 boutons pour dire « oui, c'est joli ». Je dis l'essayer, c'est-à-dire essayer pendant 2-3 heures de faire une simulation de ce que ça va donner. Et vous êtes obligé de le faire avec le porteur éditorial du projet. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas inventer complètement tout seul l'affaire. Et même avec son équipe aussi. Voilà. Et là, c'est redoutable. C'est absolument redoutable. Hein. Parfois, les gens disent « Ah, c'est que ça ». Et donc, du coup, vous voyez qu'en fait, vous n'aurez pas de problème avec l'outil, ou pas beaucoup. Dans d'autres cas, vous vous rendez compte qu'il y avait un malentendu très profond entre vous et l'utilisateur. Par exemple, si la personne vous dit qu'elle a 5000 fichiers, 5000 images qu'elle veut les mettre en ligne, très bien, et qu'ensuite, le choix que vous avez fait, c'est une technologie qui vous permet d'apporter les images les unes après les autres. Vous lui faites importer 50 images, ou bien il renonce à 5000 images, mais il vaut mieux qu'il renonce dans le cahier des charges qu'en introduction, dans sa voiture toute neuve qui n'a pas encore de roue, ou bien il vous demande, il vous dit non, là il faut que j'ai des automatisations possibles pour importer mes 5000 images d'un seul clic. Parce que concrètement, c'est un esclavage, on devient esclave de l'outil. Hein. Donc, dans la dimension, s'il y a une dimension importante, c'est la dimension sociale. Dans la dimension sociale, il y a cette capacité, cette disponibilité pour les utilisateurs qui doit être prise en compte. Et donc la culture des utilisateurs doit être absolument au centre de vos préoccupations. C'est ce qu'on distingue, on distingue les choix user-driven, donc pilotés par l'usage. Alors là, nous, on a deux types d'usagers, le lecteur et l'éditeur. Et technology-driven, piloté par la technique. Et là, c'est l'ingénieur et le mécanicien qui décide et qui préside. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux, mais il faut un tout petit peu plus d'usage que de technique de pilotage par la technique. On a eu des projets quand même à plusieurs centaines de milliers d'euros, notamment sur le logiciel, qui se sont plantés que pour ça. Mmh. Donc en deux minutes, tu peux parler de mon expérience, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté en commençant en fait à faire de l'édition électronique à l'ENS, Lettres et Sciences Humaines. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai été recruté à l'ENS, la pratique que j'avais de la publication web était une pratique geek, on va dire, avec des outils plutôt geek, c'est-à-dire des outils très performants sur le plan fonctionnel, mais qui avaient un souci très faible en fait du rendu à l'écran, en particulier de la publication des textes. Et quand je suis arrivé, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu tout de suite qu'il fallait que je redresse la barre, mais justement que je prenne en compte une exigence très très forte de l'environnement institutionnel dans lequel je m'insérais, où j'avais en face de moi des littéraires, des vrais littéraires, et qui, eux, portaient une attention incroyable à la correction typographique, à l'apparence du texte sur l'écran, à la propreté des maquettes, et même, il y a une espèce de culture particulière à cet établissement, du côté de l'esthétique en fait, hein, de l'esthétique des interfaces, de l'esthétique des couvertures de livres, etc. Et là, il y avait une exigence de mon environnement que je devais absolument prendre en compte, sous peine d'être rejeté en fait comme un corps étranger en fait par l'institution, en arrivant avec mes outils geeks et mes trucs qui fonctionnaient très bien pour les geeks, mais qui étaient, si vous voulez, à jeter en fait pour le public auquel je m'adressais. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. Passons à une dimension chronologique. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie très très souvent. C'est d'essayer de définir, donc c'est la deuxième partie de la réponse à votre question, de définir l'évolution probable, possible, du projet dans le temps. Et je sais que c'est souvent très très difficile de répondre à cette question, parce que dans la plupart des cas, on ne sait pas forcément quel va être le terme du projet. Mais dans un certain nombre de cas, on sait que le projet va avoir un terme, hein, qui va s'arrêter à un moment donné. Dans d'autres cas, il n'y a pas de terme défini à l'avance. Et ça change énormément. Parce que si le projet, par exemple, a un terme défini, évidemment, vous vous doutez bien que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Et cette question, il va falloir y répondre, et il n'y a pas de solution simple, en fait, à ce qui se passe après. Par ailleurs, le projet peut lui-même avoir des phases, en fait, hein, passer par des phases de développement qui sont différentes et prendre des orientations différentes. Et donc là, ça détermine là, justement, le fait de devoir garder une ouverture dans le logiciel qu'on utilise, qui va permettre au projet de passer ces phases et passer à d'autres phases, ou même de prévoir, on peut prévoir à l'avance qu'on va changer d'outil en cours de route, en passant d'une phase à une autre. Et à ce moment-là, si on le prévoit à l'avance, ce qui est très très bien, évidemment, dans le choix de l'outil, il va y avoir des conséquences sur l'ouverture de l'outil pour l'export des données vers un autre outil. Donc il y a des choses qui sont importantes. Autre élément qui couple avec le social, quid de la durée de l'équipe projet elle-même ? Est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle a vocation à être pérennisée ? Encore une fois, on a très rarement des réponses définitives, en fait, sur ces questions-là, hein, parce que des équipes qui ont vocation à être pérennisées peuvent être très temporaires pour des raisons diverses et variées. Donc, on n'a jamais de certitude. Mais en tout cas, ça vaut toujours le coup de se poser la question et d'essayer de faire des projections, tout simplement, hein, même si on n'a pas de réponse définitive. Et la question qu'il faut se poser, c'est celui de la transmission des compétences à d'autres, à ceux qui prendront le relais, qui prendront le flambeau. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'il faudra ou non transmettre les compétences, parce que oui, il faudra de toute façon transmettre les compétences. Même une équipe qui a vocation à se pérenniser devra transmettre ses compétences à d'autres. Mais la question, c'est sur quel laps de temps et comment. Est-ce que l'équipe projet devra, justement si elle est éphémère, hein, est-ce qu'elle aura un laps de temps très très court pour transmettre ses compétences à une autre équipe projet qui prendra le relais ou pas ? Ça, c'est un élément qui est important. Oui, oui, il y a des dimensions du coup, qui vont jusqu'à la documentation. Il y a des strates qui s'ajoutent, des strates techniques, des strates de documentaires qui s'ajoutent. Et on a des collègues éditeurs qui sont parmi nous ici, qui ont des bases de données, qui sont presque perdues, parce que les grosses bases de données, là, j'ai discuté avant-hier soir d'une très très grosse base de données de 150 000 notices. Ils me disent non seulement on n'arrive plus à la sortir pour l'édition papier parce que pour cette année parce que il y a un bug et on voudrait le migrer dans un nouveau système mais on ne sait pas comment ça a été fait et on a essayé et on n'arrive pas parce qu'il y a une complexité telle que les données on n'arrive pas à les sortir de la base. C'est pas que c'est fermé propriétaire etc. C'est on ne sait pas quelles sont c'est les conventions ça, quelles sont les conventions qui ont été mises en place dans les différentes interventions et le strat temporel produit un palimpseste qui devient illisible et donc il va y avoir de la perte d'informations très radicale et donc beaucoup de pertes d'argent en fait. Et c'est assez. C'est vraiment problématique. Alors je vous donne un autre exemple, la dimension temporelle, c'est les bases de données qui sont structurées correctement, mais les personnes qui les alimentent n'adoptent pas les mêmes conventions. Par exemple, on convient qu'on va mettre les E exposants avec des SUP, mais il y en a un qui s'est rendu compte qu'on pouvait le faire autrement et qui ne sait pas que les autres font autrement. Et donc, du coup, on a 3, 4, 5, 6, 10 façons d'écrire la même chose. À l'écran, ça fonctionne jusqu'à la migration. Et là, on va se rendre compte qu'on est dans la tour de Babel, à l'intérieur d'un système structuré. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable de transmettre et d'imposer des règles et d'être capable de vérifier de temps en temps que chacun n'a pas fait son propre système. Pour Revue.org, je donne un exemple interne, comme ça c'est plus simple plutôt que d'attaquer les gens. On a une éditrice qui est peut-être là, qui rendait obligatoire le titre, le champ titre. Mais dans un certain nombre de cas, il n'y avait pas de titre et le numéro de la revue ne s'appelait pas non plus variable, parce que ce n'était pas le vrai titre. Et donc, Annick a mis des ENBSP, des espaces insécables, comme titre, pour passer. Donc, ça, c'est très bien parce que ça marche, mais 10 ans plus tard, on s'en est rendu compte. Donc, c'est pas grave parce qu'on sait le traiter, c'est un épiphénomène, tout va bien. Mais ça peut s'ajouter parce qu'un certain nombre de conventions internes peuvent devenir des filets dans lesquels se prennent nos pieds. Je te laisse parler, je suis sur mon site. Oui. Je veux faire une remarque sur la dimension chronologique, ouais. Parce que je vous donne un exemple rapide. J'ai travaillé pendant 5 ans sur un projet qui s'appelait Challenge, qui était financé par la Commission européenne. Donc on savait que ce projet donc, avait une fin. Ça consistait à créer un site, etc., qui existait pendant 5 ans. Sauf qu'à un moment, il a quand même fallu qu'on se pose la question de est-ce qu'à la fin du projet, tout ce travail qui a été fait, éventuellement critiquable dans son contenu, mais qui existait en ligne, est-ce qu'il disparaît du jour au lendemain parce que le projet institutionnel s'arrête, ou est-ce qu'il faut lui donner une pérennité, et dans ce cas-là, quels moyens on se donne pour qu'il y ait au moins une archive de sites qui continue à perdurer pendant un certain temps. Et en fait, moi j'ai pris la deuxième option qui a été de faire perdurer de manière un petit peu artificielle l'existence du projet, cette archive, mais ça a nécessité de prendre mon bâton de pèlerin auprès du consortium qui gérait le projet pour leur expliquer sur un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, c'était pas très compliqué de trouver 60 euros pour payer un nom de domaine pendant 5 ans. Pour que le nom de domaine continue à exister et qu'on trouve par ailleurs un hébergement qui permettait d'héberger le contenu. Donc la question de la dimension chronologique, il me semble qu'elle se pose en cours de projet, mais également au-delà du projet, pour que ça puisse continuer à exister, parce qu'il y a des parts immenses du web qui ont disparu à cause de ça. Mais, alors, du coup, les choix technologiques peuvent être pilotés par ça, c'est-à-dire, si j'ai le choix entre une solution que je vais hacker, bricoler à partir de tout un tas d'avenir de logiciels, et ça va être un super pendant 5 ans, et je sais qu'après, il y aura un centième de temps plein d'un gars dans un fond d'un prix d'une université pour maintenir en vie le site, et du coup que je vais peut-être avoir tout intérêt à dire on en reste sur un logiciel mainstream, central, qui peut être mis à jour par une petite ligne de commande de temps en temps et qui ne changera rien, quelque chose de très robuste, voire du statique, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le papier et l'électronique, c'est que le papier, vous le posez à l'Université nationale, il en reste un exemplaire. Il survit à la disparition des porteurs de projets électroniques, vous émettez des électrons en permanence, vous les émettez jusqu'à ce que vous ne les émettez plus. Hein, et donc, pour bien les émettre, et plus la technologie est complexe, plus l'émission est complexe. Là, aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, d'entreprise patrimoniale de site web. Hein, il n'y a pas des gens qui se lancent dans la mission folle de dire je vais proposer un kit de développement d'environnement logiciel en ligne pour que, garantissant, la BNF pourrait faire ça, garantissant des projets éditoriaux, une survie au-delà de la survie physique des porteurs de projets. Mais en fait, ça a une incidence aussi sur le. Allez-y. Oui, juste pour dire que ce type de questionnement est très important, parce que dans la labo, on a de plus en plus de projets type ANR, ouais, exactement. Sur des durées courtes, où on sait très bien que le chercheur qui pilote le projet passera à autre chose à la fin du projet. Et nous, dans notre labo, on a le cas de plusieurs projets, donc on intègre aussi le choix du logiciel qui va servir soit à faire le site d'actualité du projet, ou soit à faire la publication ou la base de données qui va être. Être au cœur du projet en fonction de ces questions-là, c'est-à-dire est-ce que l'équipe devra continuer à gérer le projet après la mort du projet en fonction de nos moyens et de nos compétences. Donc, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent à gérer. FIFA. Moi, il me semble aussi après on est la dimension de l'écologie en fonction de la nature du projet, c'est-à-dire que le projet a un temps T et avec une production, il peut peut-être basculer à un temps T plus 1 dans autre chose. Je prends juste un petit exemple, le travail où il était confronté par moi il y a quelques mois, il y a un certain nombre de sites web qui ont une fonction à un temps T effectivement, mais qui néanmoins ne sont peut-être plus d'actualité entre guillemets, mais les ressources et les connaissances et les savoirs qui sont transmis par ces sites-là sont importants et doivent être maintenus. Et on a eu un petit souci il y a quelques mois avec le service informatique qui avait décidé, je ne sais pas s'il est nécessaire de préciser de manière unilatérale et autoritaire, que les sites web qui n'avaient pas bougé devaient être fermés. Or, ces sites web-là, c'est une richesse extraordinaire en termes de. C'est vrai qu'en amont, on n'avait peut-être pas pensé à la transformation de ces sites-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est là. Demain, peut-être qu'il devrait être dans un site d'archives ou je ne sais quoi. Enfin, je dis n'importe quoi parce qu'on n'y a pas réfléchi. Donc voilà. Donc, je pense que le changement de statut et un site qui vient tenter ne vit pas de la même manière et de la même façon. Dans les mêmes espaces, un temps T plus 1 peut-être. Et le choix du logiciel au moment de la publication et dans sa première vie, en fait, est très important parce que il faut toujours se poser la question de savoir si le logiciel qu'on choisit va permettre, laisse la porte ouverte à cette deuxième vie ou pas, en fait. Ou si les données, justement, vont être justement coincées dans ce logiciel et il ne pourra pas y avoir cette transmission en dehors du logiciel ou dans une deuxième vie avec une migration vers autre chose, etc. Donc c'est le cas du blog d'André Günther, qui a. André a dit qu'il avait. C'est trop compliqué pour lui de continuer à gérer Dotlir, parce qu'il n'est pas un informaticien. Et donc, plutôt que de continuer avec son fil à la patte, il va s'installer sur un autre endroit avec une nouvelle stratégie technologique, etc. Donc il va faire une archive de son site Dotlir qui va continuer à fonctionner. Il faut qu'il en ait le pouvoir technique. Voilà. Quoi. Déjà, il est obligé de le maintenir. Il ne peut plus continuer à utiliser son logiciel. Ouais. Il ne voit pas de solution de migration de ces données, il n'a pas les capacités, et il a une obligation de maintenir du coup maintenant deux environnements. C'est un choix, c'est compliqué, c'est lourd et c'est. Moi je suis exactement dans le même cas, donc on peut faire un club. Non mais c'est forcément le cas, en fait ça arrive à tout le monde, à un moment ou à un autre. c'est nécessaire. Enfin. Donc, je crois qu'il y a des spécialistes agricoles pour regarder. Alors, c'est ce que je voulais dire, en fait, du statique. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on fait un projet, il y a des projets de publication sur le web où la richesse, la valeur ajoutée du site repose dans ses contenus. Et dans ce cas-là, effectivement, la solution du statique est bonne, l'archivage en statique. En fait, on aspire le site et puis on le fossilise et c'est bon. Mais examine le cas où la richesse et la valeur ajoutée du site de publication réside dans des fonctions dynamiques, par exemple de recherche dans un corpus, de mise en relation avec la base de données, etc. Là, la fossilisation statique du site, en fait, détruit le site. Et donc là, le problème, il est résolu. Quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Parce que je pense qu'il est quand même assez fort de penser qu'il y aura toujours un admin système qui va maintenir les apps pour des sites. Bon, quoi. Et il y a un moment où, effectivement, il y a des services informatiques qui prennent la décision opératoire d'arrêter une application. Et parfois, il y a des raisons qui sont quand même valables, il faut quand même les écouter. Ouais. Genre, les vieux CMS qui sont des passoires. Qui sont pas mis à jour parce qu'on ne peut plus mettre à jour. Maintenant, il y a des distances entre le moment où le site était vivant et celui où il est mort. Donc, ouais. C'est vraiment les coûts de l'avenir sont beaucoup dans la maintenance et ils ne sont pas du tout prévus. Dans la gestion, le pilotage de la recherche par projet, il n'y a pas d'infrastructure. Hein. C'est pour ça qu'on a essayé d'introduire sur les cyberinfrastructures, c'est une notion un peu difficile à appréhender, mais normalement, une cyberinfrastructure fait des recommandations, met en place des économies d'échelle, voilà, met en place des dispositifs. Alors, évaluer son projet du point de vue technique. C'est d'abord, quelles sont les contraintes techniques en termes de serveurs, de réseau. Bon, c'est pas toujours facile à anticiper parce que souvent les gens pensent qu'on n'a pas beaucoup de place sur les serveurs en disque dur. En fait, c'est pas ça le problème. On a un certain nombre de choses il y a des éléments qui laissent penser qu'on est quasiment sur de l'infini en termes de capacité de stockage. Il y a par contre, il y a des capacités de traitement, des capacités de débit qui sont parfois rédhibitoires. Hein. Donc, je donne un exemple. Pour la puissance hein, des serveurs, faire avec n'importe quel CMS aujourd'hui, ça ne consomme pas beaucoup, même s'il y en a 10 000 visites. Par contre, si on passe à 1,4 million de visites comme sur une fois, peut-être qu'il faut dimensionner davantage. Donc, on a une contrainte technique à anticiper pour que l'utilisateur n'attende pas 10 secondes pour recevoir la page. Il y a un certain nombre de choix qui parfois nécessitent des stratégies complexes que Bruno maîtrise mieux que moi, sur lesquelles je peux entrer en détail dans une seconde. D'autre part, il y a des fonctionnalités qui semblent secondaires et amusantes et intéressantes. Je donne par exemple l'exemple des statistiques qui sont importantes et qui ne consomment pas beaucoup. Mais dès qu'on entre dans le détail, tout à l'heure Marlène est venue me voir me dire « Alors, les statistiques de l'Université de Provence, ça a donné quoi sur Vue.org ?» Donc, dès qu'on veut aller plus loin, on risque de factoriser, enfin de rendre un coût exponentiel. Si on fait les calculs de visite de Vue.org ou de votre site, en tout, bon, ça fait peu de temps de calcul. Mais si on veut le faire à travers tel et tel critère, c'est-à-dire par exemple je veux savoir si les gens quelles sont les statistiques de l'Université de Provence, la consultation de l'Université de Provence sur mon serveur et après je veux le faire sur toutes les universités, là je fais passer le coût en temps de calcul de 1 à 10 à 100 voire à 1000 et à un moment ce ne sera pas possible, pourtant ce sera indispensable pour que l'Université d'Angers accepte de cotiser à revue.org puisqu'on lui rendra des statistiques d'utilisation de nos ressources chez elle, sinon elle va me dire comment je peux justifier auprès de la direction de payer du libre accès. Donc on va en avoir besoin, mais ça c'est un coût caché en fait, et ça semble évident, ben oui ce serait sympa, on va le faire, et non c'est très coûteux en ressources. Alors donc c'est pas seulement nécessairement sur la question de la performance, la question du logiciel lui-même, mais c'est aussi la façon dont l'environnement système peut être optimisé ou pas. Hein, si vous avez un hébergement privé, c'est évident que vous allez être mutualisé dans un premier temps avec plein d'autres machines et que l'optimisation sera très faible, sauf si vous payez pour avoir cette optimisation. Il y a tout un tas d'optimisations, il y a des optimisations matérielles, systèmes, et puis il y a ce qu'on appelle le load balancing, c'est-à-dire la répartition de charges. Donc, et là, ça n'a plus rien à voir avec le choix du logiciel, c'est que vous avez une machine qui, en fait, reçoit l'utilisateur et qui dirige les utilisateurs vers les serveurs qui sont des clones. Et donc, du coup, vous n'avez plus du tout un seul serveur, vous en avez par exemple trois. Vous êtes l'utilisateur lambda, ici l'ordinateur sait qu'il y a 19 utilisateurs là, 21 là et 22 là. Donc il va envoyer l'utilisateur vers ce clone du serveur là, plutôt que les autres, pour répartir la charge. Donc ça, ce n'est pas du tout le choix du CMS qui est en cause, hein, du logiciel d'édition qui est en cause, c'est l'architecture système. C'est un des choix, mais il y en a beaucoup d'autres. On a sur les performances, je peux vous donner un autre exemple. On a décidé de passer à l'IN2P3, donc dans un centre de calcul extrêmement structuré. Ils nous disent on a des disques durs réseau formidables, on n'a plus le disque dans la machine, donc on augmente, on rajoute des racks dans des disques durs, dans le gros disque dur système, on n'a pas de problème de capacité de stockage, etc. On passe de nos petites machines de tour qui étaient stockées dans un grenier à l'Université d'Avignon, dans une salle blanche, doublement réfrigérée, une surveillance 24/7, etc. Enfin, là, ça va dépoter. C'est dans des nœuds de Renater, donc au niveau débit, ça va être super. Et puis, Bruno me dit, ça rame. Pourquoi ça rame, Bruno? On a tout fait ce qu'il fallait. On est au top, là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec nos petits serveurs Dell bloqués là? Ça allait plus vite, qu'est-ce qui se passe? On a mis quand même quelques semaines à comprendre que MySQL distant sur le réseau, c'est pas bon du tout. Et IN2P3, je ne sais pas pourquoi, ils ne le savaient pas à ce moment-là. Parce qu'ils ont d'autres utilisations en fait, des systèmes, des machines. Et à partir du moment où Bruno a dit non, là, notre Network Area Storage, notre NAS, c'est super sexy, mais alors. A priori, c'est pas du tout une bonne idée. On va leur demander de remettre la base de données sur le disque dur, le pauvre petit disque dur à l'ancienne, sur la machine, le petit serveur physique. C'est donc beaucoup moins hype. On l'a fait et hop, tout s'est débloqué. Donc il y avait un goulot d'étranglement à un seul endroit et c'est pas du tout le CMS qui est en cause. Alors on aurait pu dire, ce logiciel serait vraiment de la dope, ou bien l'IN2P3 c'est des tocards, ou bien enfin, voyez, vous pouvez tout à fait être complètement à côté de la plaque en identifiant un problème. Vous voyez bien qu'un problème ça rame. Et en disant ça marche pas bien, il restait 10 ans comme ça. Vous changez tout sauf ce qu'il faut changer. Donc là, vous avez besoin d'une expertise, c'est pas le CMS qui est en cause, c'est pas l'hébergement, c'est un des détails dans toute la chaîne. Et c'est du coup transition admirable vers le deuxième point. Dispense-t-on des compétences informatiques internes ou externalisées? Parce que là, vous pouvez avoir 10 éditeurs super savants, ils vont pas vous aider là. Ils voudraient mieux avoir un demi. Administrateur système astucieux, un peu. Qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Et puis, quand il ne sait pas, qui cherche, hein, qui a la curiosité. Donc, quand vous recrutez quelqu'un, ne lui demandez pas ce qu'il sait, demandez-lui comment il cherche quand il ne sait pas en informatique. Hein. Donc, voilà, vous lui posez tout simplement une question. Bonjour, alors voilà, pour demain soir, j'ai besoin de répondre à la direction nationale du CNRS pour un logiciel qui fait ceci, cela. Qu'est-ce que vous me répondez? Le gars, évidemment, je lui pose une question à laquelle il n'a pas la réponse. Il me dit, je sais pas, non, mais qu'est-ce qu'on fait? On a 48 heures ensemble pour trouver. Je cherche sur Google, non, alors on va affiner. Et pour voir s'il a une démarche de découverte, de capitalisation des compétences d'autres gens que lui, puisqu'il est incompétent par définition et par nature, puisque c'est sur une question nouvelle. S'il se met à réinventer la roue, s'il vous dit, je développe un logiciel pour demain soir, ne le prenez pas. D'accord. Donc voilà, il faut qu'il vous cite SourceForge. Quelles sont ces sources, il vous dit, qu'en fait, il lit le gadget pour se tenir au courant? C'est pas bon. Hein, s'il lit 01net, c'est pas bon. C'est pas ça. Il faut qu'il soit sur des sources d'informations variées, papier et électronique, qu'il ait des méthodes, qu'il sache où sont les entrepôts de logiciels libres, qu'il sache quels sont les sites qui font de la surveillance sur ça, etc. Et qu'il remette en cause sa compétence tous les jours pour qu'il ait le. Et puis, il faut qu'il ait un brin d'impertinence pour être capable de remettre en cause l'édifice de l'IN2P3 à l'abri des bombes, mais pas à l'abri d'un network area storage qui n'est pas tout à fait adapté à nos besoins. Je peux apporter mon petit dissensus? Bah oui, bien sûr. Parce que j'ai une autre expérience dans la mesure où, dans un certain nombre de cas, et j'ai la faiblesse de croire que ces cas sont plutôt majoritaires, les responsables de projets, chefs de projet de publication web, n'ont pas tellement le loisir de choisir l'informaticien qui va être recruté. Oui. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de ton expérience, oui. Je comprends bien ton discours, mais voilà, y a, dans un certain nombre d'autres circonstances, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, dans ce cas-là, mais ce n'est pas grave, parce que c'est quand même la même chose, mais vu d'une autre manière, oui. Dans ce cas-là, ce qui est quand même intéressant, et ce qu'il faut surtout pas se dire, c'est ce sont des informaticiens, et je ne m'intéresse pas du tout à quel type d'informaticien, quels sont leurs profils, quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs habitudes, leur expérience, etc. Et même moi, non-informaticien, je suis capable d'examiner ça et d'avoir de l'information là-dessus. Et donc, c'est quand même intéressant, c'est ce que je voudrais dire, alors, avec mon autre expérience, d'analyser l'environnement, en fait, justement. Quels sont les langages qu'ils utilisent déjà? En quoi sont-ils compétents en particulier? Quelles sont leurs expériences? Et ça définit en fait des contraintes pour le projet. C'est-à-dire que vous, porteur de projet d'édition électronique ou de publication web, ça me semble, si vous devez travailler avec, mettons, un service informatique qui a une culture particulière, ça me semble relativement illusoire, sauf à prendre des solutions et à recourir à d'autres compétences ailleurs, ça me semble relativement illusoire de faire des choix qui vont impliquer que ce service informatique acquiert du jour au lendemain des compétences qu'il n'a pas du tout, une culture qu'il n'a pas du tout. Donc, je ne sais pas, on passe du libre au propriétaire, du propriétaire au libre, du Java au pas Java, du Tomcat au Apache, etc. Au niveau des langages, s'ils ne font pas du tout de PHP, si, voilà. Ça, ce sont des choses. Donc, moi, je ne sais pas faire du PHP, mais je sais que le PHP, c'est un langage de programmation particulier, de script pour la publication web particulier. Donc, même non informaticien, j'ai la capacité de comprendre ça. Et donc, je peux analyser mon environnement informatique et faire des choix qui vont plutôt dans ce sens ou plutôt pas dans ce sens. Et ça, c'est important. C'était ce que je voulais dire. Oui, absolument. Et du coup, sur le choix des langages, c'est aussi la grande bagarre gauloise, hein, puisque vous entendez tout et son contraire. Java, c'est la merde. Java, c'est super. Java, c'est abstrait. PHP, c'est pourri. Etc. L'année dernière, j'ai présenté l'hypothèse et quelqu'un dans la salle me dit... c'est un drôle de choix technologique d'avoir une approche WordPress, parce que WordPress c'est un PHP, et comment est-ce que vous ferez quand on passera à PHP 5? Parce que Java, on n'a pas de problème de passage de version, etc. C'est beaucoup plus puissant. Et donc là, c'est vraiment pas sérieux, je pense, que je vais dire, envoyer une lettre au ministère pour dire qu'il faut que vous arrêtiez de vous financer. Enfin, c'est en un là, quoi. C'est-à-dire, la personne, il connaît pas plus que moi, hein, mais donc il y a des choses fausses qui circulent. On a tous à gérer des problèmes de version, tous nos langages ont leurs défauts, et en revanche, il faudrait avoir une petite connaissance de chacun d'entre eux et essayer d'éviter les querelles de chapelle. Donc à un moment, il faut tenir compte de la culture locale et déjà décider si on travaille en local ou pas local. On internalise ou pas. C'est-à-dire, on peut externaliser si c'est vraiment pas possible. Mmh. Mais parfois, des informaticiens locaux avec une compétence, avec des technologies pas trop adaptées, peuvent faire mieux parce que vous les avez à côté. Donc, il ne faut pas toujours refuser Silverlight si vous n'avez pas le choix, hein, parce que peut-être que les technologies Microsoft pourront faire un certain nombre de vos besoins, couvrir un certain nombre de vos besoins si vous avez effectivement un service informatique et ne jure que par ça, avec lequel vous vous entendez bien. Ok. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie, et comme l'heure tourne quand même, je propose que cette deuxième partie, on la fasse relativement rapidement, ce sont des éléments de contenu, pour arriver à la grille d'analyse et aux différents, à la checklist des choses auxquelles il faut penser quand on choisit, quand on examine un outil. Alors, dans cette comprendre la dynamique du web, on a identifié trois époques, si vous voulez, hein, trois moments en fait dans le développement des technologies et des solutions de publication sur le web. Premièrement, un moment de web statique, hein, c'est un web un peu historique. Deuxièmement, les CMS ou le début du web dynamique avec des outils de publication dynamique. Et puis troisièmement, les plateformes de publication. Première question que je voudrais vous poser, si je vous dis web statique versus web dynamique, ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez besoin que je l'explique ou pas du tout? Alors, si vous voulez que je l'explique, vous levez la main. Ouais, en deux mots, d'accord. Donc, la grande différence, si vous voulez, entre le web, merci, entre le web statique et le web dynamique est la suivante. En web statique, vous savez qu'un site web, il est diffusé à partir d'un serveur web. Donc, Bruno, tu m'interromps si je me gourre complètement. Vous savez qu'un site web, il est diffusé à partir d'un serveur web que les lecteurs vont interroger, d'accord, avec leur navigateur. Donc les lecteurs, ils sont sur leur poste de travail, ils ont des navigateurs web et les navigateurs vont envoyer des requêtes vers le serveur web pour avoir les pages, pour retirer les pages, pour télécharger les pages web. La question, c'est de savoir comment ces pages web sont générées, comment elles sont posées sur le serveur. Qui les fabrique exactement ? La solution dite de web statique, qui est historiquement celle qu'on utilisait, c'est que le webmestre, donc j'ai compris que Jean-Christophe disait qu'il faut plus utiliser le terme de webmestre, même sans avoir écouté sa conférence, j'ai vu sur le tweet qu'il ne fallait plus utiliser le terme de webmestre, mais le concepteur de page web, celui qui est responsable de la fabrication du site web, et ben, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer manuellement chacune de ces pages sur son ordinateur personnel à lui avec un outil dédié qu'on appelle un éditeur HTML. Un éditeur HTML, c'est comme, dans la plupart des cas, une espèce de Word, sauf qu'au lieu de faire des pages Word, si vous voulez, ça fait des pages d'un site web. Et donc, à la main, il conçoit chacune de ces pages dans lesquelles il met ses contenus, et puis il crée les liens entre... Alors, il y a des procédures semi-automatisées. Hein, les éditeurs HTML un peu perfectionnés ont des systèmes de templates, un peu comme InDesign, si vous voulez. Hein, ont des systèmes de templates qui permettent d'unifier l'apparence des pages. Mais en tout cas, il fait son site web chez lui, sur son ordinateur. Et puis, quand il a fini, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise un logiciel qu'on appelle un logiciel de FTP, pour File Transfer Protocol, où il envoie tous ses fichiers sur le serveur web. Et c'est bon. Et donc, son site, il devient accessible. Ça, c'est le web dit statique. Alors, cette solution, elle est très bien, très utile, ça marche bien, si un certain nombre de critères sont respectés. Premièrement, vous avez un faible nombre de pages dans votre site web. Si vous avez un site web avec 1000, 1500, 2000, 10 000 pages, la gestion de l'ensemble de ces 10 000 pages qui doivent être interreliées les unes les autres sur le serveur va devenir un tout petit peu compliqué. Par ailleurs, ça marche bien si votre site n'est pas mis à jour très fréquemment. Parce que si, par exemple, vous avez un site de presse, donc vous êtes Le Monde, mettons, et vous devez produire le site du Monde, vous avez des dépêches AFP et Reuters qui tombent toutes les minutes. Et donc vous devez mettre à jour votre site toutes les minutes. Et donc toutes les minutes, vous n'allez pas créer une nouvelle page, créer les liens à toute vitesse, mettre à jour l'index, la page sommaire, vite, avant que la prochaine arrive, hop, j'ouvre mon logiciel de FTP et je charge sur le serveur. Et puis il faut recommencer. Et là, c'est un esclavage, le type il meurt au bout de 2 heures, je pense. Donc il n'y a plus de problème. Et puis encore autre chose, ça ne marche pas non plus si vous avez une équipe, c'est-à-dire s'il y en a plusieurs qui doivent travailler, parce que justement, il y a beaucoup de travail, et il y a plusieurs journalistes, etc. Parce que s'ils font tous la même chose au même moment, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écrasent leurs modifications les unes les autres, et donc tout tombe, il n'y a plus de... Voilà. Alors c'est pour ça que... C'est embêtant aussi dès que Le Monde est racheté par le RL Tribune et qu'il doit changer le logo. Non, mais t'exagères un peu. Il faut changer le logo du Monde partout, de la couleur, enfin... Mais il y a des templates. Oui, il y a des templates, mais on le sort, on sait qu'ils ont dû chercher à remplacer. Ouais, sur son. Bon, alors, ça c'est la première étape. Alors, mais du coup, je vais peut-être en parler comme ça, et puis tu Marin, si tu veux, tu dis des trucs. Donc, je m'arrête sur ce web statique parce que il a été aujourd'hui, dans la plupart des cas, remplacé ou les solutions qu'on utilise, c'est des solutions dites de web dynamique, où vous avez toujours votre serveur web qui est là, qui est toujours consulté par tout un tas de lecteurs. Mais vous avez sur le serveur un logiciel particulier qui va gérer la création des pages du site web de manière semi-automatique. Et donc, c'est le logiciel qui fait le webmaster, si vous voulez, et au lieu d'être chez lui, il est directement sur le serveur. Ce logiciel, souvent, c'est ce qu'on appelle un content management system. Système de gestion de contenu, CMS. Alors, qu'est-ce qu'il rend comme service, ce logiciel ? Ben, il gère la publication, c'est-à-dire c'est lui qui crée les pages, d'un côté, et de l'autre côté, généralement, il gère une zone dans le site web qui est accessible par un navigateur web, par plusieurs personnes qui ont des comptes, des logins et des mots de passe, pour pouvoir ajouter les contenus dans le site web. D'accord ? Donc là, vous n'avez plus une seule personne, mais vous en avez autant que vous voulez, pourvu que chacun ait son login et son mot de passe, pour pouvoir aller sur le site web avec son navigateur web et entrer les contenus. Et vous avez le logiciel qui génère les pages web pour le public, cette fois-ci, de l'autre côté en fonction de ce qui a été fait dans l'espace privé, l'espace d'édition. Donc l'ODEL, voilà, vous avez suivi sans doute des ateliers l'ODEL ou hypothèse, ou vous connaissez SPIP, vous pratiquez SPIP, etc. Tout ça, ça fonctionne de la même manière. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et comment est-ce qu'il fonctionne au niveau technique un CMS? Vous avez d'une part, d'un côté, les contenus, la base du fonctionnement des CMS, c'est ce qu'on appelle la séparation du fond et de la forme, des contenus et de la forme. Donc les contenus sont stockés dans une base de données, d'un côté, et donc gérés par un serveur de base de données, donc par un logiciel de base de données. Et de l'autre côté, vous avez des scripts qui utilisent un langage de script, alors comme PHP par exemple. Donc ce sont des fichiers informatiques avec des automatismes dedans qui, en fonction de ce que demandent les lecteurs, vont aller chercher l'information dans la base de données et vont générer des pages web pour le lecteur. Et ces pages web, elles sont mises en forme par une étape intermédiaire qui sont des templates. Donc les templates, au lieu d'être chez le webmestre, ils sont dans le logiciel. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'un lecteur veut lire un article, par exemple, il formule une requête qui est prise en charge par le script PHP, qui va chercher l'info dans la base de données, le contenu dans la base de données, qui correspond à la requête du lecteur, sortir l'info de la base de données, la projeter à travers la masque du template pour générer la page web. Voilà, c'est comme ça que... C'est ça la grosse différence entre... Alors, vous voyez que c'est dynamique, parce que théoriquement, à chaque fois qu'un lecteur demande une page, il y a un dynamisme en quelque sorte qui va générer la page pour lui. Après, bon, il y a des systèmes de cache qui font que c'est pas exactement le cas dans toutes les situations, mais en gros, c'est la base du principe. Et l'autre est esthétique. Et donc la question, donc historiquement, il y a eu un passage de l'un à l'autre, et la question c'est est-ce que le web statique est dit, donc aujourd'hui complètement dépassé, quoi. C'est une des questions qu'on peut se poser, si tu veux. Non, je pense qu'on peut continuer pour avancer plus vite. Et donc j'ai pas dit sur l'écran CMS. Ouais. Bon, à mon avis, tu peux le faire, mais donc du coup, l'arrivée des CMS a quand même introduit une profusion problématique, puisqu'on ne sait plus à quel service se vouer, puisqu'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a 1000. Et donc, quel est le problème? Et comment résoudre ce problème? Bon, il y a des CMS qui sont très généralistes. Il y a des CMS qui sont très spécialisés, il y a des CMS qui sont adaptés à votre environnement ou pas à votre environnement. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on avance sur... Non, je pense que du coup, on avance sur la troisième truc parce que c'était l'essentiel. Et là, les plateformes, c'est toi qui connais. Parce que maintenant, on arrive à une troisième en fait, étape historique, en quelque sorte, ouais. Sont les plateformes de publication. Alors, les plateformes, donc maintenant, on a plus que le choix. En avant, on avait un choix entre Dreamweaver et SPIP. Un Dreamweaver, c'est le web statique, SPIP, c'est le web dynamique. Et maintenant, on a le choix entre Dreamweaver, SPIP et des plateformes. Donc, cet après-midi, Hubert va nous parler de BookGluton, par exemple. Et donc, ça peut être considéré comme une plateforme. Mais en fait, pour moi, c'est une plateforme de quatrième génération, donc la troisième génération, c'est un Dreamweaver que je vois donner. Une plateforme de troisième génération. La plateforme qu'on pourrait donner, c'est par exemple pour les revues Cielo. S-C-I-E-L-O, qui est une plateforme brésilienne qui a essaimé dans tout le monde latin, enfin l'Amérique latine, et y compris en Espagne, pour mettre en ligne des revues dans tous les domaines de toutes les disciplines scientifiques. Ouais. Alors, l'idée, c'est que peu importe le choix technologique de cette plateforme rend un service aux producteurs de contenu qui n'ont pas à se poser des problématiques technologiques. Parce qu'en fait, leur travail n'est pas là. Donc, ça ajoute un nouveau métier, c'est-à-dire un nouvel intermédiaire qui dit « Moi, je le fais pour vous. Vous m'envoyez vos fichiers dans leur état ou selon des contraintes que je vous impose et je vais mettre en ligne pour vous ces documents. » Ça va avoir tout un tas d'avantages techniques, commerciaux, éditoriaux et même liés aux usages qui sont nombreux. D'abord, vous n'avez pas besoin de développer un poste informatique sur des... Et de la maintenance et du marketing web. Vous travaillez sur des couches de métiers qui sont plus traditionnels de l'édition. Et nous, on fait la suite, c'est-à-dire qu'on va inventer un modèle économique pour ça. Hein. Ce n'est pas le cas de Cielo, parce que c'est de l'open access. Mais du coup, Cielo, en misant sur l'open access et en regroupant des centaines de revues en espagnol et en portugais, est capable d'avoir une force de frappe à destination des index de citation qui étaient dominés par la langue anglaise. Et avec 500 revues, on arrive et on frappe à la porte des index de citation. On dit, voilà, nous, on est 500 revues et on aimerait bien entrer dans les index de citation. Chaque revue isolée n'est pas en mesure de le faire. 500 sont parvenus à le faire. Et donc, ils sont sortis de l'angle mort de la science dominée par la langue anglaise. Donc on voit bien que là, non seulement ça résout un problème technologique, puisqu'en fait, vous sous-traitez, vous externalisez, mais en plus, ça apporte des fonctionnalités nouvelles, de visibilité. G-Store, qui est la plateforme de revue américaine, financée aussi par le GIX, si j'ai bien compris, pour mettre en ligne des revues en sciences humaines et sociales, fait le travail de numérisation. On est même complètement dans le domaine de l'analogique. Vous envoyez vos volumes papier, vous n'envoyez même pas vos fichiers, vous envoyez vos volumes papier. On vous les numérise pour vous et on vous apporte en plus de l'argent parce que c'est commercialisé et donc vous avez des retours et vous n'investissez rien parce que vous ne payez pas cette numérisation. Voilà. Donc ça, c'est les stratégies de plateforme qui s'appuient sur de la mutualisation et donc des économies d'échelle absolument considérables en visibilité, en technologie, en coût de structuration de contenu. Est-ce que tu as d'autres exemples pour dehors des revues? Est-ce que YouTube et machin? Alors, voilà. Alors, ensuite, on pourrait entrer dans la notion de plateforme, de la deuxième gamme de plateformes, hein, que j'appelle les plateformes d'usage, mais en fait, je suis en train d'essayer de réfléchir à ça, c'est pas tout à fait adapté. Mais maintenant, en fait, ça, c'est des vieilles plateformes, hein, revue.org, de cet ordre, hein, c'est vraiment des vieilles plateformes. Il y a des nouvelles plateformes, pour moi, Boubluton, YouTube, dans une certaine mesure, tout ça, sont des plateformes de nouvelle génération qui se concentrent pas tellement sur le métier en amont, mais sur la lecture en aval, sur l'appropriation des contenus par le lecteur. Donc, elles se concentrent effectivement sur l'usage. Et du coup, dans YouTube peut servir de plateforme primaire comme le Cielo pour les revues si vous décidez de sortir. Admettons qu'on veut sortir, qu'on soit une université et qu'on veuille publier les cours introductifs de tous les professeurs chaque année en vidéo. Il y a Fresta Gada qui s'approche. Donc admettons ça, hein, on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? On dépose des fichiers AVI sur notre serveur en statique, on peut faire. On peut utiliser un plugin Speak pour les diffuser grâce à Speak. On peut demander à G-Store ou à Runtime de développer une fonctionnalité pour gérer la vidéo. Ou bien, en fait, c'est la quatrième génération, on s'appuie sur des plateformes spécialisées sur lesquelles il y a énormément de public et on les dépose. Et peut-être qu'on va les déposer à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'elles sont pour moi de nouvelle génération. Et on va vers le lectorat. Donc la plateforme va gérer des dimensions propres au type d'usage attendu. Flickr, YouTube fait de la photo, YouTube gère de la vidéo, Lamendo gère du son, enfin plutôt de la création musicale. Voilà. Et du coup, on va proposer des usages spécialisés autour d'une communauté de gens qui s'intéressent à la photo, qui s'intéressent à la vidéo ou qui s'intéressent à la musique. Et essayer d'inventer des modèles économiques pour elle, pour la plateforme, et pour vous, éventuellement même pour le lecteur. Hein, YouTube pense à rémunérer les gens qui vont amener des contenus. Voilà, donc on est dans une autre dimension. Moi, ouais, le point que je vais avancer, mais je pense que c'est d'accord, mais ça, voilà. C'est, là, on a l'air de présenter les choses de manière très... On présente les choses de manière très historique. On dit, ouais, il y a eu ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et la question, en fait, c'est est-ce que ce sont des étapes qui se suppriment les unes les autres? D'accord. Donc, pour publier aujourd'hui, est-ce que je suis obligé d'aller vraiment vers le truc de dernière génération parce que c'est ce qui se fait maintenant? Ou est-ce que ce sont des étapes qui, en fait, se superposent les unes les autres, mais en restant valides? Et donc, moi, ce que j'aurais à proposer, ce que je voudrais proposer, en fait, ici, c'est de dire... Mais non, en fait, même si aujourd'hui, en 2009, où on est plutôt, c'est plutôt ça qui est en train de se développer et de se créer, lorsque vous êtes porteur d'un projet de publication web, vous avez toujours le choix entre vous orienter vers 1, 2, 3 ou 4. Et il y a des cas où la publication en web statique est totalement pertinente. à l'ère de Flickr et de Jamendo et de YouTube. Et moi, je vais ajouter parce que ça correspond au projet. Voilà, mais il y a une autre logique aussi qui peut se considérer que ces quatre étapes sont en fait un pilier, les composantes d'un pilier. C'est-à-dire qu'en réalité, vous aurez toujours une dimension statique ici à un moment. Quand vous éditez dans Word le document que vous finissez par alignant, c'est du statique. Hein, quand vous posez une image, c'est du statique. Il y a des choses qui restent statiques, qui sont stockées dans une base de données, mais d'accord, mais vous l'éditez dans le code et vous êtes un artisan. En réalité, les technologies qui sont utilisées dans les plateformes sont en réalité des CMS. Hein. Donc les CMS, ils n'ont pas disparu, ils sont juste dans des couches d'abstraction que vous voyez de moins en moins. Parce que quand vous allez sur YouTube, vous ne téléphonez pas au patron de YouTube en lui demandant « C'est quoi ton langage de programmation ?» C'est PHP ou quoi ? Vous en foutez, parce que la plateforme s'en charge pour vous, parce que vous avez d'autres préoccupations. Ensuite, donc la plateforme, les plateformes de publication primaire, hein, les plateformes traditionnelles, en fait, elles, a priori, ne vont pas être rendues obsolètes pour autant par les plateformes de nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer la généralité de Bouton qui est un lieu où se concentrent les lecteurs, l'algorithme qui est un lieu aussi où se concentrent les bibliothèques et les lecteurs, hein, qui est, dont on a parlé hier. En fait, on pense que Bouton va utiliser des bouclettes. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire des alliances avec les plateformes de revues ou de livres et proposer une vue, comme on fait en fait avec les widgets. C'est-à-dire aujourd'hui YouTube, comment ça marche? YouTube, vous posez votre vidéo sur YouTube et en fait vous pouvez le répercuter sur votre site. D'accord? Ça s'appelle un widget. Donc vous avez, ça c'est important en vocabulaire, hein, vous avez en fait trois générations, le gadget. Le gadget, c'est votre petite horloge sur votre ordinateur, dans votre ordinateur, qui affiche l'heure ou la température, enfin la météo plutôt, ou les dernières news du monde. Vous avez le widget, qui est le gadget pour le web, c'est-à-dire en fait sur WordPress, vous pouvez ajouter des widgets, donc des flux RSS par exemple, qui viennent de la station météo la plus proche, hein, si on veut continuer dans cette logique. Et maintenant, vous avez le booklet. Le booklet, c'est la même chose, c'est le widget, mais pour le livre. C'est-à-dire que vous avez une liseuse déportée qui permet d'utiliser le livre dans un contexte qui n'est pas le contexte de primo-publication, hein, qui est le contexte d'un usage particulier qui peut être le contexte d'une comité de lecteurs, donc Bouton, ZaziWeb pourrait évoluer dans cette direction, etc. Donc en réalité, ces couches historiques ne s'annulent pas, au contraire, elles sont constitutives les unes des autres. Donc voilà, maintenant qu'on a fait toutes ces généralités, on peut essayer de proposer une grille de lecture. Alors, on a eu une discussion, Pierre était parti dans la direction de comparer des CMS, et moi je lui ai dit on va comparer des CMSP, et on dirait lui-même devra dire des CMSPP, pour les CMS, les plateformes et les plateformes. Hein, donc, parce qu'en réalité, maintenant, on n'est plus du tout face à exclusivement des choix technologiques, on doit tout le temps alterner entre des choix sur les CMS ou sur la plateforme de première génération ou sur les plateformes de deuxième génération. Donc par contre, on va essayer de comparer tout ça ensemble. Ah oui, d'accord. Alors avant d'aborder la grille comparative, je voudrais juste vous présenter deux choses, deux outils que je vous propose d'utiliser vous-même lorsque vous êtes en situation de devoir choisir. Le premier outil, c'est un outil qu'en fait beaucoup de gens utilisent, donc voilà, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Il s'appelle CMS Matrix. Donc voici l'adresse du site web. Je propose que je ne fasse pas une démonstration parce qu'on a pris un peu de retard, donc vous allez voir par vous-même. Je vais juste le montrer pour que... Non, juste qu'il faisait une image. Ah oui, de l'image, d'accord. Pendant ce temps, tu parles. Alors, faut que je retienne ce que je dois dire, d'accord. En fait, c'est une grille comparative de 250 logiciels de site web. Donc voici la page d'accueil et ça fonctionne de la manière suivante. Vous avez la liste des sites web, hein, c'est des outils de publication web. Donc vous avez la liste des outils de publication web, vous cochez ceux que vous voulez comparer et vous lancez le comparateur. Et ensuite, il vous ouvre une grille, donc une espèce de tableau Excel dans une page web, si vous voulez, où vous avez les différents logiciels que vous avez sélectionnés en colonne, et vous avez environ une trentaine de critères de comparaison en face desquels, évidemment, il y a des réponses oui, non, selon quelles conditions, etc. Et ces critères sont dans tous les domaines, c'est des critères techniques, donc il y a des critères fonctionnels. Y a-t-il telle fonctionnalité? Y a-t-il une identification des utilisateurs? Y a-t-il plusieurs rôles qui sont définis? Il y a des critères documentaires? Y a-t-il une hiérarchie des documents? Il y a des critères fonctionnels? Y a-t-il telle ou telle fonction, l'insertion de vidéos, les commentaires des lecteurs, etc. Il y a des critères techniques, quel est le langage, quel est le type de serveur demandé, il y a des critères économiques, est-ce que c'est un logiciel payant ou pas, des critères juridiques, libre, quelle est la licence, etc. etc., etc. C'est très complet, me semble-t-il. Et ça, c'est un outil qui est vraiment important à utiliser, enfin utile à utiliser pour commencer à travailler sur la comparaison entre différents outils qu'on doit choisir, entre lesquels on doit choisir. Le problème, c'est que les mises à jour ne sont pas toujours... Voilà. J'ai regardé l'ODEL, évidemment, et c'est l'ODEL 0.7, et la dernière mise à jour date de 2006, ou un truc comme ça, donc c'est vraiment très vieux. Et même, j'ai regardé Spic aussi. Et la version de Spic, c'était 1.8 qui était comparée, donc on en est à 2.0 maintenant, donc... c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas forcément très bien mis à jour. Et puis, il va falloir la même chose pour les plateformes. Et il commence à avoir un certain nombre de gens qui essayent de regrouper. Vous avez vu ce que vous a montré Daniel Bourion avec toutes les icônes de tous les services web de zéro, en fait. Il commence à y avoir des gens qui essayent de regrouper les informations sur ce service, mais ils sont tellement nombreux qu'on n'a pas pour le moment d'outils à vous présenter qui soient synthétiques de cet ordre. Peut-être qu'il en existe, si vous en connaissez un, ça vous intéresse. Et la deuxième chose que je voudrais vous présenter comme type de ressource auquel vous pouvez vous référer, c'est le comparatif Plume. Alors le projet Plume, c'est un projet de documentation, en fait, de promotion, mais aussi de documentation des logiciels libres dans l'enseignement supérieur et la recherche, et qui font que c'est un projet qui a fonctionné tout début sur la base du volontariat, et qui aujourd'hui est en train de se structurer et qui décrit de manière qui établit des fiches, si vous voulez, descriptives du plus grand nombre possible de logiciels utilisés ou que l'on peut utiliser dans l'enseignement supérieur, dans toutes les dimensions des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est pas pour ça que c'est pas de ça exactement que je veux vous parler maintenant. C'est qu'à un moment donné, les gens de ce projet ont dû choisir un logiciel de publication pour leur site web. Et ils ont fait les choses bien, donc à cette occasion. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi une méthodologie, un en particulier, qui est Yves Gosset, qui est quelqu'un de vraiment de qualité. Il a établi une méthodologie pour choisir le logiciel de publication pour le site web du projet Plume. Donc c'est bien vers Drupal qu'ils sont arrivés vers la fin, mais ce n'est pas le choix qui compte, parce que le choix de Drupal a été fait en fonction de l'adéquation justement de ce logiciel avec des contraintes très fortes et très particulières de leur projet. Et Yves Gosset a rédigé un document qui s'appelle « Description du processus de choix d'un CMS pour le projet Plume », qui me semble-t-il est très intéressant, c'est un guide méthodologique que vous devez lire, voilà, avant de... Si vous avez à choisir un logiciel, non pas pour choisir Drupal, évidemment, non pas pour faire le même choix que ceux qui l'ont fait, mais pour la méthodologie qui a été mise en œuvre. En particulier, donc j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a le détail d'un système, ils ont utilisé un système en 4 étapes, en éliminant les logiciels les uns derrière les autres. C'est-à-dire en partant de CMS Matrix, en choisissant, en cochant le plus grand nombre de logiciels possibles correspondant grosso modo à leur cahier des charges. D'abord, il y a eu une première étape de rédaction d'un cahier des charges sur la base de ce qu'on a dit tout au début. Hein. Et ensuite, ils ont utilisé CMS Matrix pour choisir, je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de CMS correspondant grosso modo à leur cahier des charges. Et ensuite, il y a eu 4 étapes au cours desquelles ils ont fait des éliminatoires en éliminant selon plusieurs critères et selon plusieurs types de vues un plus grand nombre de logiciels pour arriver à la finale qui était entre Drupal et Spic, quatrième étape. Et là, ils ont soumis ces deux logiciels à un certain nombre de tests avancés. Ils ont établi des grilles de fonctionnalités, des critères de fonctionnalité très très détaillés en établissant des scores, en disant tel logiciel il a tel score, tel autre il a tel autre score. Et voilà, toute cette méthodologie est expliquée dans ce document, et je vous recommande vivement de le lire et de vous en inspirer si, si vous êtes confronté à cette situation. Ok, donc maintenant, l'idée, c'est lorsqu'on doit choisir un logiciel, selon quel angle, quelles sont toutes les questions qu'il faut se poser, selon quel angle, est-ce qu'il faut essayer de l'analyser en se posant quelles questions? Voilà, alors, première question, la question économique. Si on choisit un logiciel, il faudra se demander s'il existera encore demain. Ah, c'est la première chose du cours, on s'intéresse à la survie des gens qui le portent. Et quand on choisit une plateforme, on s'intéresse à la survie de la plateforme. Parce que si je me dis que je vais rentrer dans mon projet de dépôt de vidéos de cours, toutes mes vidéos dans YouTube, et parce que j'ai entendu que Google avait acheté extrêmement cher YouTube, il faudrait peut-être que je me demande s'il ne va pas être fermé, comme une dizaine de projets fermés par Google cette année. Parce qu'il y a tout un tas de projets comme Knoll. Knoll est la plateforme concurrente de Wikipédia inventée par Google. Tous ceux qui ont mis leur contenu dans Knoll, K-N-O-L, qui connaît Knoll, c'est de l'humain. Voilà, hein, donc 10%. Et Knoll a la puissance de Google. Alors, vous pouvez se dire, je connais Knoll, je connais Google, Google c'est les plus puissants, ils vont réussir, non? Leur projet n'est pas bon. Il faut quand même s'intéresser à la survie et donc connaître un minimum du modèle économique de la plateforme sur laquelle on mise. Ou du logiciel. Ou du logiciel sur lequel on mise. Donc, quel est son modèle? Par exemple, ça peut être un financement public. Ah, c'est un modèle économique. Ça peut être, en fait, un financement sur le modèle du freemium. C'est-à-dire, en fait, c'est un logiciel libre et gratuit, mais il y a des fonctionnalités qui sont payantes. Ça peut être sur le modèle du logiciel libre traditionnel, où on vend plutôt du service accompagnant le logiciel, formation, personnalisation, accompagnement, plutôt que la vente du code lui-même. Il y a tout un tas de cas de figure et il faut avoir une petite idée du modèle économique qui est en cause. Par exemple, le modèle de l'AgroSIM, 100 m30, puisque vous pouvez rentrer vos 200 premières notices bibliographiques gratuitement, et ensuite vous devez donner 20$ pour avoir le droit d'en mettre à vie, c'est la vie de la plateforme et pas la vôtre, hein, à vie, un nombre infini. Alors, c'est quoi le modèle? Est-ce qu'avec 20$, ils vont tenir? Le modèle, c'est que d'abord, ça va apporter des rentrées d'argent régulières si la plateforme acquiert tous les jours des nouveaux utilisateurs. Et le deuxième, c'est surtout des ventes de licences pour des utilisateurs qui ont besoin de ces données. Et donc, David vous a dit, vous avez acheté une licence 1 000 € par an pour aller à la bibliothèque d'Angers, utiliser les métadonnées qui sont dans la GoSIM. Donc, vous voyez, si vous ne comprenez pas un minimum ça, vous ne posez pas au moins la question. Mais je pense que c'est compliqué d'avoir confiance et donc de faire son choix. Et je voudrais rappeler qu'il y a des logiciels libres, il y a des logiciels propriétaires, il y a plein de gens qui misent sur des logiciels propriétaires parce qu'ils disent qu'il y a un modèle économique très solide, c'est vendu à la FNAC, ça va marcher. Je vous rappelle que tous les gens qui ont rentré leur comptabilité dans le logiciel de Microsoft qui s'appelait Monnaie peuvent se rhabiller parce que le logiciel est arrêté. Parce qu'il ne rapporte plus assez. Voilà, donc la solidité de Microsoft, la puissance de Google n'est pas toujours tout à fait rassurante et parfois Spip a plus d'espoir de survie que Microsoft Money et ça fait quand même assez plaisir. Hein? Donc l'artillerie lourde, il y a un moment ça gonfle. Hein? Donc les formats de Money n'étant pas ouverts, il va falloir que vous arriviez à sortir de ce logiciel. Si Spip s'arrête, vous sortirez de Spip parce que le format est libre et ouvert. Donc parfois, small is beautiful. Alors, deuxième question, le système de monétisation permis par la plateforme pour vous, c'est-à-dire évidemment, on peut être dans le modèle de l'open access, mais est-ce que vous aurez possibilité d'avoir quelques rentrées d'argent si vous en avez besoin et comment ça va marcher? Par exemple, il y a des CMS qui ont développé toute une bibliothèque de plugins dédiés à la monétisation bien via PayPal ou bien avec des accords avec les banques pour pouvoir faire du micro-paiement. Si vous avez absolument besoin de ça, il ne faut pas choisir un CMS qui n'en a jamais entendu parler parce que vous allez avoir des gros développements alors qu'il existe des logiciels qui sont vraiment pas orientés boutique, hein, pas nécessairement, mais qui ont des modules qui le permettent. Pareil, de la même façon, Si vous êtes un photographe et que vous voulez déposer sur Flickr toutes vos photographies, il y a énormément d'utilisateurs sur Flickr. Est-ce que vous avez une possibilité, un espoir que ce soit quelqu'un, que Flickr vous donne la possibilité de monétiser vos photos, ou bien vous allez être obligé d'avoir une autre plateforme pour en faire un peu de revenus pour essayer de vivre de votre métier, parce que les photographes actuellement ils tirent un peu la langue. Bon, il se trouve que vous savez que sur Flickr, il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes. Par exemple, j'ai parlé d'hier du Blur, mais voilà, donc il vous propose de faire des livres et de les promouvoir sur Flickr. Donc il y a quelque chose, il y a des pistes qui sont en vue pour essayer d'avoir un écosystème dans lequel vous n'êtes pas le dindon de la farce. Évidemment, il y a aussi, quand on mise sur le IPMH, on sait qu'il a été financé par la Fondation Soros. Quand on mise sur d'autres stratégies, on sait qu'ils sont financés par la publicité, donc ça peut être fluctuant. Cette question du modèle économique du CMS ou de la plateforme, pour vous et pour les porteurs des projets technologiques, c'est important. Donc c'est important de voir qu'il y a les deux niveaux. Il y a le modèle économique du logiciel ou de la plateforme en soi, et il y a le modèle économique des contenus, en fait, qui sont publiés sur la plateforme ou au moyen du logiciel. Par exemple, vous savez que le modèle économique de Al, pour vous, mais pas modèle économique, a la permission de mettre des données en libre accès. Donc il n'y a pas de modèle économique commercial. Vous, en revanche, il y a un modèle de données publiques, il y a la circulation de l'information, etc. Mais, donc Al est une des plateformes qu'on peut considérer comme dans le niveau 3. Le régime juridique. Alors c'est très compliqué, on va vite sur ça, mais si vous choisissez un logiciel, sous quelle licence est-il? Parce qu'on confond freeware, vous téléchargez un logiciel, il est gratuit, donc il est libre, parce qu'on croit que les logiciels sont gratuits, les logiciels gratuits sont libres. Non. Les freeware sont des logiciels gratuits, mais vous n'avez aucun contrôle sur ce logiciel, vous téléchargez, vous installez, et ce sont des boîtes noires. Vous pouvez utiliser, on ne dit pas que c'est mauvais, mais ce ne sont pas des logiciels libres. Leur licence est propriétaire. C'est encore confondu par un certain nombre d'informaticiens. Deuxième niveau, les logiciels libres ne sont pas toujours complètement libres. Par exemple, il y a des couches qui peuvent être propriétaires. Ou bien la licence qui est utilisée est plus ou moins restrictive. Donc il y a la GPL, la LGPL, la licence APAL, la licence BSD, la licence Mozilla. Il y a des licences très variables. Alors juste une petite assise, vous voyez le lien là justement, mais vous allez le retrouver. C'est un document que j'ai trouvé qui me semble très intéressant parce qu'en fait, il fait une description de toutes les licences libres, enfin peut-être pas toutes, mais énormément de licences libres. Donc, vous pouvez vous référer à ce document pour savoir où, voilà, vous, par exemple, vous découvrez, on vous parle d'un logiciel, on vous dit, tiens, c'est sous licence Apache. En plus, c'est en français. Voilà, et donc vous pouvez vous dire, mais c'est quoi la licence Apache, ce n'est pas, ben, vous pouvez aller voir. Ça, c'est important. Pareil, il faut aussi voir la licence de la documentation, parce que si le logiciel est libre mais qu'il n'y a pas de documentation, et en fait, le service qui vous est vendu, c'est de vous expliquer le logiciel, et que ça coûte plus cher, que ça vous rend dépendant, etc., et c'est important aussi. Il y a aussi, quand vous misez sur des plateformes, les licences que vous concédez, ou que la plateforme vous autorise à utiliser, ou les droits que vous concédez à la plateforme. 26 qui était une plateforme d'hébergement de blog, récupérait tous les droits sur les documents que vous déposiez, et notamment des droits d'impression. Hein, donc ça voulait dire quand même beaucoup de choses. Qui lit les CGU, les conditions générales d'utilisation des plateformes parmi vous je ne vois pas une forêt de main, je ne sais pas si il y a deux, c'est bien. Donc si c'est pour mettre vos photos de famille, c'est problématique, mais c'est pas grave. Si c'est pour déposer 50 heures de cours du Collège de France, il faut réfléchir 30 secondes et documenter un petit peu. Juste pour rebondir, je crois que c'est quand on vient des conditions d'utilisation, par exemple, de quelque chose comme le Flickr, il s'autorise à réutiliser certaines des photos. Donc est-ce que on a envie d'avoir cette photo de l'anniversaire du petit dernier qui sera vendu à Newsweek ou Times pour faire la une couverture. C'est aussi ce type de problème que ça pose. Sauf que ça, c'est un problème personnel, entre guillemets, mais en fait, la question se pose de manière encore plus stratégique lorsque c'est un document scientifique, lorsque c'est un cours, etc. Là, ça peut entraîner des conséquences vraiment graves. Je te laisse. Alors, les aspects techniques généraux, en fait, je voulais simplement introduire quelques notions dans le temps qui nous reste sur quelques éléments qui me semblent fondamentaux. Il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est pas bien foutu parce que ça s'appuie sur MySQL ou bien sur PostgreSQL, etc. » Donc le type de la base de données n'est pas secondaire. Hein. Il y a des problèmes de performance et de complexité. Hein, mais sur ça, je ne voudrais pas entrer dans le détail d'abord parce que je suis incompétent. Mais juste pour vous dire qu'il y a derrière les CMS en fait, une couche qui est la couche de base de données qui n'est pas anodine. Le langage de programmation utilisé, j'ai évoqué rapidement tout à l'heure PHP, VS, Java, il y en a plein d'autres. Et ça aussi, vous avez compris que c'est plutôt des problèmes de guerre de religion, mais surtout aussi des problèmes de culture d'entreprise ou de laboratoire ou d'environnement. Et que c'est ça, c'est une préoccupation dominante qu'il faut avoir. C'est la deuxième partie de ce qu'on disait au début. Donc, quand vous documentez votre projet, vous documentez son environnement informatique, et là vous allez documenter le logiciel que vous utilisez à ces niveaux techniques, et donc c'est là que ça matche ou ça ne matche pas. En fait. Voilà. Ensuite, les protocoles et les formats d'interopérabilité, ça c'est important, c'est très très très important, et j'aimerais qu'on soit d'accord déjà sur la notion, parce que souvent on a des problèmes de vocabulaire. Il faut distinguer les protocoles des formats. Le protocole, c'est une de façon triviale, hein, c'est une méthode d'échange de données entre deux machines. C'est une méthode, c'est-à-dire c'est une forme de grammaire. Alors que les formats, c'est l'échange des données elles-mêmes. C'est la format, c'est la description des données elles-mêmes. Et donc en fait, vous pouvez l'OIPMH. On considère que c'est plutôt un protocole, parce qu'en fait, en plus, les deux notions se convergent. Mais bon, l'OIPMH dont on a parlé, c'est un protocole. L'Open Publication Distribution System, c'est un protocole. À l'inverse, les formats, le PDF, c'est un format. La TEI, c'est un format. Le Dublin Core, c'est un format. Le JPEG, c'est un format. Et le RSS, c'est un format. Mais c'est un format d'échange de données, donc bon. Voilà. Donc ça, c'est important de poser la question des protocoles et des formats d'entrée et de sortie. Donc, le protocole OIPMH permet d'échanger des données entre un entrepôt et un moissonneur. Il a été présenté hier, donc je ne vais pas y avoir sortir. Hein, le moissonneur a demande au dépôt la liste de ses données et la liste des données est renvoyée au moissonneur. D'accord. Le PDF, c'est la même chose pour des livres. Les formats sont les contenus qui sont échangés, qui sont dans les contenus qui sont échangés. Donc l'OIPMH est absolument indissociable du Dublin Core, par exemple. C'est pour ça que je vais dire. Puis l'OIPMH appuie sur un autre protocole qui s'appelle HTTP. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors. Ça c'est le premier point de vocabulaire. Deuxième point de vocabulaire, on ne peut pas faire d'édition. On ne peut pas faire d'édition sans savoir ce que c'est qu'une API. Je redis, on ne peut pas faire d'édition sans savoir ce que c'est qu'une API. Or, 10% des éditeurs dans le monde savent peut-être savent ce que c'est qu'une API. En réalité, c'est beaucoup moins. Donc, une API. C'est une interface qui permet de contrôler l'exposition et l'utilisation qui sont faites des données numériques de la maison d'édition. C'est donc, en fait, on peut considérer que c'est un connecteur. Imaginez que c'est une prise électrique sur votre serveur, et puis on va dire qu'elle est souriante quand même. Donc vous avez vos données, et vous avez tout un tas de prises électriques à des formats différents qui répondent à des types d'interrogations différents de la part de partenaires. En fait, les API se mettent en conformité en réalité avec des protocoles, elles sont indissociables. Mais c'est un logiciel. Une API peut être considérée aussi comme un logiciel qui est résident et permanent. C'est-à-dire que vous dormez, il tourne. Si quelqu'un, un de vos partenaires sait que cette API existe et il sait l'utiliser, il va pouvoir interroger la machine, votre machine, grâce au connecteur qu'est l'API, pour lui poser des questions. Donc, un dépôt OIPMH n'est rien d'autre qu'une API. D'accord ? Et c'est important parce que aujourd'hui, on n'a plus du tout. Le web n'est qu'une des modalités de la publication de documents. Et il y a beaucoup d'autres modalités. Hubert dit que sur Internet Actu, le site web d'Internet Actu est hautement secondaire en termes de fréquentation par rapport à toutes les propagations d'informations qu'il fait vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de lecteurs sur son site web qu'ailleurs, grâce aux API. Donc les API, c'est tout l'API de base, en fait, c'est un flux RSS, hein, ça c'est au fond une API. Hein. Mais on a beaucoup plus compliqué que ça. On peut avoir des API de type calendrier. Il y a une API au format Google Agenda qui peut être faite pour répondre à des informations du type chronologique. On peut avoir donc des API qui pourraient décrire les images, ou enfin, j'ai pas l'idée là, ce qu'un me vienne, mais il y a le protocole IP2H et l'OPDS qui est en cause, et il y en aura de plus en plus, qui permettent de donner des vues spécifiques en fonction de besoins spécifiques à des ordinateurs qui vont les réexploiter et les remettre à disposition de l'utilisateur. Donc il y a l'ancêtre des API, c'est le Z3950, qui est un protocole d'échange de données en fait, historiquement dédié aux bibliothèques, au catalogue bibliothèque. Et il est important que votre serveur soit capable à terme d'alimenter la EvoEsync par exemple. Parce que actuellement, la EvoEsync, il cherche des livres seulement dans Amazon. Donc, si vous n'êtes pas dans Amazon, il va falloir que la personne qui va rentrer son livre dans la EvoEsync, elle le saisisse toutes les métadonnées à la main, alors que vous les avez vous-même dans votre plateforme. Donc, c'est important qu'il y ait un connecteur entre vous et la EvoEsync pour délivrer, par exemple, au format RIS ou au format BibTeX, vos métadonnées bibliographiques, pour que l'utilisateur n'ait pas à les retaper. Sinon, elles ne se propageront pas. Vous avez beau les mettre sur votre site web, elles sont lisibles par un être humain, mais c'est tout. Vous avez aussi le besoin de délivrer des métadonnées bibliographiques à Zotero. Zotero, c'est un logiciel concurrent de Reports, d'Annotes, etc., qui est sur votre navigateur. Et si ça fonctionne bien, il y a un petit carré qui apparaît dans votre barre d'adresse qui vous dit que si vous cliquez là, vous rapatriez dans votre client Zotero, dans votre logiciel Zotero, toutes les métadonnées bibliographiques du document en cours de lecture. Donc ça, c'est des échanges de données via une API. Hein? Donc ça va se développer de plus en plus, ça a l'air extrêmement technique et rébarbatif. C'est une méthode de propagation de l'information hautement stratégique. C'est absolument fondamental. Alors, sur les, je crois que tu as tout vu là sur les aspects. Ouais. Ainsi, la scalabilité et la question de performance. Voilà, alors il y a la scalabilité aussi. Donc, ce qu'on appelle la scalabilité, c'est une mauvaise francisation, scalabilité, un terme anglais, ça se voit bien. C'est la capacité de monter en charge, de monter en échelle, hein, scalabilité. Donc, avec 100 documents et 100 accès par jour, je peux avoir telle dimension de serveur. Avec 100 000 documents et 100 000 visiteurs, et ce, je suis capable de monter en charge pour que l'expérience utilisateur soit aussi agréable, c'est-à-dire pas lente, etc. Donc le problème de la montée en charge est fondamental, autant pour le CMS que pour la plateforme. Donc je vais introduire la notion de cache, qui est un minimum, pense, de culture générale que tu as évoqué tout à l'heure, mais sans le détailler. Tous les CMS dignes de ce nom ont au moins un système de cache. Parfois, ils ont des systèmes plus complexes encore, mais en réalité, Pierre vous a dit que le logiciel calculait la page à chaque fois qu'un interrupteur la consulte votre page web. En réalité, c'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça parce que dès que si nous parlons aujourd'hui là, nous nous connectons tous sur la même page web qu'on vient de consulter. La page n'est pas calculée 100 fois. Elle est calculée une fois pour le premier, c'est Jean-Pierre qui a gagné la bataille, et puis la vitesse, la course. Et puis, son voisin, lui, il demande la même page, le serveur sait qu'il vient de la délivrer il y a une seconde. En fait, il l'a déjà calculée, il l'a stockée, c'est une page statique, il la donne à l'utilisateur. Et il va la recalculer dans une heure, ou dans 24 heures, ou même dans un mois, selon la nécessité, s'il y a quelque chose qui a changé dans l'environnement ou pas. Et là, on est dans un système de cache, c'est-à-dire le cache est une mémoire. Il y a aussi une mémoire qui permet de gagner en performance de façon considérable. Un système de cache peut être le meilleur ou le pire des systèmes parce que s'il est mal configuré, il va vous délivrer des pages complètement obsolètes, pas mises à jour et produire des graves problèmes. on a discuté avec le cas de WordPress, plus vous lui dites d'aller vite et donc d'être hyper optimisé, plus il est lent à réagir. Parce que bien sûr, il essaie de calculer le moins souvent possible. Et du coup, effectivement, vous gagnez en performance, mais en revanche, vous avez l'utilisateur qui clique et qui modifie son texte et qui dit « mais je change, j'enregistre, et il ne se passe rien ». Et on dit « c'est pas grave, c'est le système de cache, mais pourquoi vous ne réglez pas ce problème ?» C'est parce qu'en fait, on a beaucoup d'utilisateurs et on n'a pas beaucoup de ressources système, et donc là, vous pouvez avoir une perte de confiance entre vous et l'utilisateur. Hier, sur l'iGlossing, on avait rentré des livres, on les cherchait, on ne les trouvait pas encore parce que l'iGlossing a un temps de latence. Et au passé, un temps de latence trop... Si on atteint un temps de latence trop long, les gens se disent, en fait, ce truc ne marche pas, je m'en vais. Alors, c'est de l'optimisation système. Hein. Donc, ce n'est pas que de la technologie. Hein. On peut conclure sur cette question-là. La capacité de monter en charge, ce n'est pas que de la technologie, c'est quelle sera l'expérience utilisateur. Donc, effectivement, il faut toujours se demander... Alors, on ne peut pas forcément le prévoir à l'avance, mais c'est quand même, ça vaut le coup quand même de se poser la question. Est-ce que je vais avoir un site à potentialité de très forte fréquentation ou pas? Est-ce que je vais avoir un site qui va contenir énormément de contenu ou pas? Et dans ce cas-là, effectivement, le dimensionnement des serveurs, mais aussi les performances du logiciel de publication en termes de gestion de système de cache, est-ce qu'il a un système de cache performant ou pas? Ça joue énormément. Alors, moi, ce que je vous propose, en fait, maintenant, c'est qu'il nous reste... Enfin, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Il nous reste 5 minutes. Et on a 4 aspects qui restent. D'accord ? Aspects éditoriaux, appropriabilité, je vais vous dire ce que c'est, fonctionnalité et dynamisme du logiciel. Il y en a deux sur lesquels il me semble qu'on peut passer. Parce que c'est les plus évidents, c'est les plus connus, c'est ceux qu'on utilise tout le temps. C'est d'abord les aspects éditoriaux, c'est l'autre aspect... c'est la deuxième partie de ce qu'on disait au début, vous savez, sur les modèles de données, sur les types de données qu'on a. Donc, il faut que le modèle éditorial du logiciel corresponde au modèle éditorial des données qu'on a à publier. Et puis, l'autre aspect qui me semble le moins important, c'est fonctionnalité. Parce qu'effectivement, il est couvert, en fait, c'est celui auquel on pense tout le temps. Et c'est celui sur lequel tout le monde se concentre. Donc là, on a établi une sorte de checklist des différents types de fonctionnalités qu'on peut vérifier, si vous voulez, et leur correspondance avec le projet. Mais du coup, c'est pas très important qu'on en parle maintenant, enfin, je pense. Et plutôt, je préférerais qu'on parle des deux autres, à savoir l'appropriabilité d'une part, parce qu'on n'y pense pas souvent, et le dynamisme du logiciel, c'est-à-dire le développement du logiciel. On peut commencer par l'appropriabilité. Donc toi, tu avais commencé par appropriatif, que je détestais parce que c'était pas français, donc moi j'ai remplacé par un mot encore moins français, ouais, qui est appropriatif. C'était la dimension appropriative. Donc la question, c'est, on va s'en servir, mais est-ce que ça va marcher? Donc, quelles sont les compétences requises pour l'utilisation du logiciel au quotidien? Alors, je reviens sur la question du modèle éditorial qui me semble en fait stratégique. C'est si j'ai besoin d'augmenter mon modèle éditorial parce que soudain je vais avoir des résumés en russe pour tous mes documents, est-ce que je peux le faire moi ou est-ce que je dois demander et à qui je dois demander? Et donc là, il y a cette question-là dans le domaine de l'évolutivité documentaire qui est stratégique. Est-ce qu'il faut dire rendez-vous et un consultant pendant 3 jours à 1 000 euros par jour? Ou bien est-ce que moi, je peux d'un clic ajouter des champs? Mais d'une façon plus générale, l'accessibilité du côté édition, ce qu'on appelle côté édition, c'est ce que d'autres appellent... comment on appelle ça encore? Le machin. Non, l'interface. Le back-office, voilà. Le back-office, donc le logiciel côté producteur de contenu, est-ce qu'il ressemble à quelque chose et est-ce qu'il ressemble un peu à votre métier? C'est-à-dire que quand on arrive sur EasyPublish, par exemple, qui est un des CMS, est-ce qu'un secrétaire de rédaction va se sentir chez lui sur EasyPublish? C'est facile de publier, on entend publish dans le mot, etc., ça a l'air bien. En fait, c'est plutôt destiné aux webmasters traditionnels qu'à des gens qui travaillent sur du texte. Est-ce qu'ils vont arriver à se servir de cette machine? Est-ce qu'ils vont arriver à construire des objets, des entités informatiques, décrites comme entité informatique, ou est-ce qu'on s'adresse à eux en termes éditoriaux? Est-ce que le vocabulaire du logiciel, par exemple, est adapté? Moi, je pense à un exemple très simple. C'est qu'il y a des plateformes qui sont mal traduites, des CMS qui sont mal traduits. Du coup, on ne comprend plus rien, absolument rien. Avec WordPress en version française, c'est un peu embêtant parce qu'on dit article pour billets, quand même, pas des articles. Non, c'est pire que ça, c'est-à-dire dans certains écrans, il y a billets, dans d'autres, il y a articles. Voilà. dans l'advising, je vais sur le compte du RBO et on me dit votre compte. Alors, c'est mes livres, ça. On me dit vos livres. En fait, il y a la même formulation pour dire ses livres et mes livres. Donc, je ne comprends plus rien à l'advising, tout reste bien, mais il y a des problèmes. Moi, je produis du contenu et on me parle dans un langage que je ne comprends pas et que personne ne comprend. Hein? Et il y a des problèmes de vocabulaire, mais aussi d'ergonomie. Je pense notamment dans la propriété à la question du travail des données en masse. J'ai évoqué, j'ai 5000 photos à importer. Sur Flickr, j'ai un applicatif que je peux télécharger et utiliser pour envoyer 5000 photos d'un coup pendant la nuit. Le matin, c'est envoyé. Est-ce que je peux le faire sur la plateforme, le CMS que je vais choisir, si j'ai besoin de ça, évidemment, je n'en ai pas besoin. Mais là, j'ajoute un cas très concret. Speak, par exemple, c'est un énorme défaut de Speak, c'est qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de fonctionnalité de traitement de masse. Donc, tu veux corriger 10 articles d'un coup, publier X articles d'un coup, tu ne peux pas. Ouais. Donc, ça, c'est un défaut d'ergonomie. Ouais. Alors, de la même façon, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui arrivera, c'est l'enrichissement documentaire. Vous ne pouvez pas croire que la fin de la première publication va être satisfaisante du point de vue de la structure documentaire. Il y a d'abord des montées en qualité qui sont de plus en plus exigées par le métier. Et il y a des informations qu'on ne pensait pas utiles ou importantes ou même existantes qu'il faudra désormais rentrer. Et donc vous allez être obligé de revenir sur votre corpus une, deux fois, trois fois, quatre fois dans les 10 prochaines années. Sauf à vouloir être d'accord pour fermer la porte, hein, pour faire faillite. Parce que vous avez vu, on doit s'adresser maintenant à la bibliothèque universitaire d'Angers. Elle a des besoins documentaires qui ne sont pas ceux qu'on avait imaginés il y a 10 ans. Et donc, on est obligé d'enrichir. Donc, par exemple, vous avez besoin d'un index. Il vous demande un index d'Iway parce que c'est la seule façon pour lui de l'insérer dans son environnement documentaire. Vous allez devoir classer 40 000 documents d'Iway. Vous allez ouvrir chaque document puis ajouter les éléments où il y a des traitements masse qui sont prévus possibles dans l'imaginaire. C'est absolument stratégique. C'est absolument stratégique. C'est une des dimensions, c'est absolument fondamental, parce que ça arrivera tout le temps. Si vous décidez de traduire en anglais tous vos résumés, il faut que vous ayez une possibilité d'importer des fichiers Excel, du CSV, en masse. Enfin bon, c'est pas simple. Après, il y a aussi la question du côté de la propriété, du côté du lecteur. Alors, le site web que je produis, le cas typique, c'est PHP Nuke, hein, qui est un des ancêtres des CMS, PHP Nuke. Quand on arrive sur un site fait avec ce CMS, on sait qu'il est fait avec ce CMS, parce que le CMS donne la couleur, l'odeur et même l'apparence au site, tellement il est contraignant au niveau de la capacité mise en forme. Et à l'inverse, vous avez des sites qui sont faits avec des logiciels, alors pas en mesure de deviner quel logiciel a été utilisé, parce que ou la gamme des gabarits proposée par défaut est énorme, ou bien vous avez la possibilité d'investir des moyens en structure de templates, de maquettes, etc., suffisamment fort pour donner une identité visuelle particulière à votre contenu. C'est important pour la mémorisation, pour l'utilisateur, les contenus, et donc c'est stratégique. Donc il y a ensuite tous les aspects de documentation. Existe-t-il des une documentation utilisateur? C'est pas du tout annexe, hein. Faut-il la faire soi-même? Y a-t-il des offres de formation à l'utilisation de ce logiciel, hein, côté c'est aussi producteur de contenu ou chef de projet ou administrateur de site. Et il y a la question des questions qui sont moins mesurables, si vous voulez, qui sont plus subjectives, mais l'ouverture de la communauté. Par exemple, y a-t-il des listes de discussion qui sont ouvertes aux nouveaux utilisateurs? Comment sont traités les nouveaux utilisateurs sur ces listes de discussion? Est-ce qu'on les renvoie à le fameux RTFM, hein, s'ils posent des questions? Read the fucking manual. C'est read the fucking manual, c'est la question, la réponse que donnent ceux qui savent à ceux qui ne savent pas. C'est une mauvaise réponse, en fait, hein, qui dégoûte en fait les nouveaux utilisateurs et qui les font fuir. Et ça, c'est très important, l'espèce de l'ambiance de la communauté, hein, l'atmosphère. Comment est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée sur elle-même? Ce sont des éléments qui sont difficilement mesurables. C'est difficile de faire une checklist, si vous voulez, dans un cahier des charges, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et on termine sur le dynamisme du logiciel. Tu en parles ou c'est moi? Alors on va en fait vous montrer une vidéo pendant que Pierre explique. Alors, pour vous dire qu'en fait le logiciel c'est un être vivant. Voilà. Et, ouais. Ouais. Le truc, si vous voulez, ce qui est important aussi, le dernier aspect à prendre en compte, c'est que vous faites votre choix de logiciel à un instant T, mais il faut absolument s'intéresser à l'histoire du logiciel. Il ne faut pas s'intéresser seulement au logiciel tel qu'il est au moment où vous le choisissez, mais il faut s'intéresser à son histoire. Est-ce qu'il est récent ou est-ce qu'il est ancien? Comment s'est-il développé? Est-ce qu'il s'est développé vite et ensuite, est-ce qu'il est, il a stagné? Ou est-ce que c'est en train de... Ça tourne, ça tourne. Il le voit. D'accord. Alors, explique-le. Ça, c'est une représentation graphique des contributions à SPIP. C'est-à-dire, vous avez des points qui sont des ajouts à des fichiers et des noms qui sont des interventions d'individus qui s'éloignent quand ils interviennent peu, qui s'approchent du centre quand ils interviennent beaucoup. Et le nombre de contributions aussi sur un compteur au centre. Vous avez, voilà. Donc ça, c'est l'activité sur les trois dernières années de SPIP. Des développeurs, de la communauté des développeurs. De développement du logiciel. Et on a la même chose pour Linux et tout ça. On peut représenter ça. Alors ça, c'est une formation... Ça montre que c'est humain et puis c'est une représentation ludique, mais nous, quand on étudie un logiciel, on regarde si la communauté est active, combien il y a eu de release, donc de nouvelles versions, quelle est la quantité de code qui est échangée à chaque fois, est-ce que les migrations entre les versions sont prévues, etc. Donc il y a tout un dynamisme, on n'a plus le temps, on l'a oublié de couper, donc il y a tout un dynamisme du logiciel ou de la communauté dans une plateforme, en fait, hein, ça s'approche relativement, qui doit être mesuré et il faut trouver des indicateurs. Donc, par exemple, le logiciel libre, sur SourceForge, SourceSup, etc., on a des historiques, des statistiques de téléchargement des logiciels, ça donne une indication. Des statistiques de contribution, il y a le nombre de contributeurs, etc. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Donc, pour conclure, parce qu'on va être éjecté en fait, on vous donne un certain nombre de ressources pour aller plus loin, notamment Framasoft, qui est un des sites de référence sur les logiciels libres en tout domaine, parce que ça ne concerne pas que les CMS, hein, ce qu'on vous dit en fait. Et la conclusion, c'est qu'après cette bagarrée, en fait, on a chacun choisi un plat différent, qu'on est quand même dans le même environnement, qu'il va falloir qu'on se passe la bouteille de vin, parce que ça, c'est l'interopérabilité. Moi, j'ai absolument besoin de certains formats dont je mange. Je mange du saucisson, du sanglier, et mon voisin va boire une soupe. Hein, et en fait, au fond, on peut s'entendre, on peut se faire des bisous même. Et donc, voilà, ces images, j'ai pas le droit de les projeter, donc j'ai peur qu'on doive les flouter pour la publication en ligne. Mais voilà, c'est le banquet qui nous attend à l'instant, puisque nous sommes largement. Merci.